Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Direct d'Hochelaga, Maisonneuve, rue Charlemagne. Je donne pas l'adresse, Cadis. 5 mars 2015. Le trèfle est marchable. Le trèfle est marche. Pour vrai? Ah, ben ouais, le trèfle. Moi, je peux me rendre au trèfle à marche. Bon, ben, je vous colle la shot. Ceux qui sont en ligne, ça finit au trèfle. vous écoutez Geek Collectif, le podcast, épisode 57. Mon nom est André Paquette, accompagné de charmants jeunes hommes ce soir. Bonjour. Éric. Oui, ça va bien. Il faut que je voie ton barbier bientôt. Effectivement, il faut que tu vois mon barbier. En fait, tout le monde devrait voir mon barbier. Jim le barbier. Hashtag Jim le barbier. Milter! Oui. Ça va? Oui, toi? J'étais un peu triste parce que je viens d'apprendre sur Facebook à l'instant même qu'Harrison Ford vient de supposément avoir un accident d'avion. Après les nouvelles, on le sait plus, ça? Ça se peut qu'il meure. Tu sais que son Cessna C-3PO/Obi-Wan? Aucune idée. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, cette nouvelle. Je sais même pas si c'est vrai. C'est drôle, mais ça serait pas drôle. Ce serait mieux, c'est pas vrai. J'aimerais mieux que ce soit pas vrai, mais en tout cas, je suis un peu down. Je viens d'apprendre ça à l'instant. Et avec nous ce soir aussi, Guillaume Hamel. Qui va me remonter le moral. Guillaume, la nouvelle recrue du collectif. Bien à vous. Guillaume, bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir, merci de m'accueillir dans la familia. Puis tantôt, on va recevoir Jay Saint-Louis qui va arriver tantôt, je pense. Tantôt/before/je suis tout fucké à soir parce que je comprends plus rien. Ça va être tantôt, ça. Ça va être tantôt. Mais selon les gens qui nous écoutent, c'est tantôt, mais en réalité, c'est déjà arrivé. On est dans une émission de Star Trek, dans le fond, puis le vaisseau vient de passer à travers une nébula qu'on comprend pas, mais on passe des choses à répétition. Dans Star Trek, c'est pas une barbe de Riker. Le soleil à l'envers. Non, mais ça, c'est pour tourner dans le temps. Mais t'avais toujours les nébules que tu rentrais dedans, tu savais pas c'était quoi. T'as un nuage mystérieux. On appelle Rocky puis il va régler tout ça. Ouais, c'est à cause que j'ai une barbe de Riker que tu dis ça? Ou... Ouais, j'avoue que ça marcherait, ça. C'est pour ça que je t'apprécie un petit peu plus, c'est ainsi. La barbe, Deanna Troy aussi, ça se prononce, man. Ben, non, en fait, elle t'a laissé depuis la barbe. Là, désolé, mais vous allez vous arrêter plus tard. Je vais me raser au pire. Oh, ouais, c'est sûr. Guillaume! Est-ce que c'est à cause de la barbe que Nimoy aussi est mort? Il est mort dernièrement? Quand il y a pas le gars Nimoy, c'est à cause de la cigarette. Ah, ok. Awkward, aucune idée. Rest in peace. Rest in peace, Nimoy. C'était juste pour mentionner. On fait-tu une minute de montage de silence? Ouais, je vais mettre un silence d'une minute pour Nimoy. Slack, ok. Go. Avec le thème de Star Trek. Insert okay, silence here. Arrêtez de poster, Calis. Oh, je me sens tellement injuste envers le Nimoy. C'est pas correct. Comment? On a fait 15 secondes, c'est pas super. Bon, c'est pas pire. Ah, tellement rest in peace. En tout cas, on va avoir plus de Jim dans Star Trek 3, là, c'est sûr. Ouais. Les boys, c'est une bonne soirée ce soir. En fait, oui, une vraiment bonne émission. Ouais, c'est une pas pire, les bonnes J'ai émission. Un feeling qu'après les nouvelles, il va y avoir un bon show. Écoute, il va y avoir un excellent show après les nouvelles. C'est pas comme si on avait enregistré le reste du show, puis là, on enregistre les nouvelles par Impossible. Après. Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres cette semaine? Milter? Moi, attends, je suis prêt à me lancer. Attends peu, je vais faire une prédiction, OK? Attends, go. Attends peu, Milter... T'as-tu joué à un jeu d'Xbox? Mais c'est qui ces show notes? Moi, j'ai les show notes avec Buzz Bonin, là, c'est celle-là. Oui, c'est pas les bonnes. Tabarnak, fail deux notes. Fois. Okay, excuse. Fait qu'un jeu d'Xbox, mon Oui, comment t'as fait pour deviner que j'ai joué au Xbox? Facebook. En fait, même sans Facebook, Milter, toujours un jeu d'Xbox. Quand? Xbox One, même. À part si tu joues sur Steam à... Don't Starve. Ouais, Don't Starve Together. Mais j'aurais pu jouer sur Steam à ce jeu-là, mais j'ai préféré, pas vraiment préféré, mais comme j'ai cliqué là, sur Xbox One, c'est Terraria. C'est un vieux jeu d'il y a 2 ans que tout le monde a joué et abusé de il y a longtemps. Puis moi, ben, je viens de le pogner retard de même de 2 ans plus tard sur console. Plein de monde me disait les contrôles, c'est pas bon. Puis tout, une fois que tu t'habitues, ça va super bien. Il y a des bébelles de base que le monde n'a peut-être pas compris qui faisait qu'il aimait pas au début. Mais en tout cas, en gros, j'adore le jeu. C'est comme Minecraft, mais en 2D, comme. Un Mario Bros Minecraft, fait que c'est ça, je joue à ça ces temps-ci. Mais ma vraie actualité... Ok, c'était pas ton actualité encore, ben c'était ma vraie... Ben c'était une actualité que j'ai faite. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé et marqué hier. C'était la première de la nouvelle série de CSI qui s'appelle CSI Cyber. Fait que là, tu fais cyber. Oh shit, c'est du hacking, c'est plus une ville, c'est quelque chose... C'est, dans le fond, un CSI basé sur l'équipe d'espionnage Internet, si on peut dire, de hacking du FBI. Tout le monde... C'est qui Acid Burn dans CSI? C'est quoi Acid Burn? Oh non, okay. Tabarnak. Je pensais que tu parlais à un autre CSI. Ok, animé le show, hostie, je décolle. On a une nouvelle recrue. Le gars que tu parles, c'est le gros White Hat. Le même gars, son nom. C'est une fille. Le gars non, que tu parles. Le gars dans le film. Ok, parles, Angelina non, Jolie, non, elle se montre les boules film, une dans fois dans CSI. Okay. À moins que vous parliez de la fille avec les... Acid, non, c'est pour faire un parallèle avec Acid Burn. Ouais, je sais, mais je veux dire, la fille genre Asian avec les cheveux teints, c'est ça? C'est Angelina Jolie avec les cheveux courts. Non, dans CSI, je parle... T'es le seul qui écoute CSI. Ben, c'est ça, j'essaie de dire. Moi, je parle de celle que lui parle dans le CSI. D'après moi, c'est le gros White Hat hacker. OK, attends, on va te poser la question. Est-ce qu'elle te fait le même effet que la corde à nœud d'un cours de gym quand t'es au primaire? Vraiment pas. C'est un gros fat dude, man. Ça se peut-tu que quelqu'un qui a gagné un Oscar peut être dans un CSI? Oui, ça se peut très bien. Il y a venir, là, prendre le contrôle de mon actualité. Non. En gros... Le contrôle, on l'a perdu, Glenn Damien. C'est la gang de FBI qui s'occupe du département d'hacking. Il y a Patricia Arquette. Le David Delarusso des années 2000. La sœur de Rosanna. Dans Pulp Fiction, ironiquement. En plus, c'est vrai. Il y a... comment il s'appelle? James Vanderbeek, Dawson... T'es sérieux, il joue là-dedans? I don't wanna win! Ok, ben ça c'est un win pour moi, j'adore Mais attends, il y a aussi un jeune... Le gars, il joue le rôle d'un genre de hacker, si on peut dire criminel, dans le sens que ce gars-là, c'est un hacker, mais il s'est fait pogner par le White Hat hacker, qui est comme le king hacker. Tu sais, ils disent White Hat dans ce domaine-là, parce que Paladin style, là, c'est un hacker... Good guy. Mais White Hat, c'est, je veux dire, t'es pas Black Hat, donc t'es ben, legit. T'es legit, c'est ça. Mais lui, c'est comme le. Il décrivent comme the best in the world, là. T'sais, le best White Hat hacker in the world. Puis lui, justement, ce dude-là, il a pogné le petit Black Dude, parce que c'est un petit Black Dude, le hacker. Puis. C'est tellement raciste. Lui, c'est. Mais ben, c'est Lil Bow Wow. C'est là que je voulais en venir. Le gars qui joue, lui, c'est Lil Bow Wow. Le rôle de France Castel. Non, lui, il joue un hacker criminel qui s'est fait pogner. Oh. Un black hat hacker. Un black hat hacker. Je vois pas de couleur, moi, je sais pas de quoi tu parles. Lui s'est fait pogner à faire un crime de hack, si on peut dire. Comme Paul Cagelet. Patricia Arquette, qui avait mis son white hat, le gros hacker professionnel, good guy, sur le cas. Puis lui, il l'a pogné tout de suite parce qu'il est tellement bon, d'après la réputation du un seul épisode que j'ai vu à date. Fait que là, il l'a pogné, mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? C'est comme. Ok, t'es un hacker, mais t'es pas un tueur ou de quoi. Fait qu'on va faire. C'est soit que tu fais 5 ans de prison, en gros, ils me disent, là, carrément dans l'épisode. Là, ils disent soit que tu fais 5 ans, ou que tu fais ce que je te dis, puis tu hacks pour moi, pour aider. C'est à quel moment que quelqu'un non. cache la disquette dans les poubelles en criant en fait, hack André, faut que je le coupe. Là, c'est quand arrivé. Est-ce que ça devient Shield? Parce que c'est. Non, mais. Shield, c'est là. Juste pour expliquer, puis instaurer le gars. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour dire que c'est. On a Shield, c'est une femme, là. Parce que lui, il est comme dirty un peu. Là, ou il dans comme... Scorpion aussi. Ouais, aussi, c'est vrai. Type cookie, mais, you dimwit. Tout sneakers, ta kayak. Ils sont là à t'instaurer les personnages, en gros. Puis, l'épisode que j'ai vu, le seul, qu'est-ce que c'est un résumé? C'est que. Il y a un bébé qui se fait kidnapper au début. Mais qu'est-ce qui est fucké, c'est que tu te rends compte que pourquoi tu te fais comme pourquoi il y a des hackers? C'est quoi le rapport des hackers avec un bébé qui se fait kidnapper? Mais ils ont fait une vente d'auction, une enchère du bébé en hackant la webcam qui check le bébé. Tu sais, ils vendent ça là, en tant que parent, toi Guillaume, ouais. Tu le sais, là, ils vendent ça des webcams dans des toutous, genre que tu mets sur le meuble, puis là, il regarde ton bébé, puis toi, tu le vois sur ton iPad. C'est le genre d'affaire que t'as jamais acheté de ta sainte calice de vie. Non, mais c'est déjà actuel, ça. Là, parce tu que sais que ça série, existe pareil. Mais il y a un site en ce moment qui fait ça, non? Et, pour exactement. De vrai, là, ouais. Mais justement, dans la série, tu vois le gars, dans l'émission de CSI, il se fait hacker leur code source du site qui gère tout ça. Puis le gars, il est capable de voir 45 000 bébés. Puis il fait des auctions en Russie, des Arabes, tout, tu vois, puis t'as une affaire de même. Fait que là, déjà là, c'est poussé beaucoup, mais eux autres, ils actionnent même, ils kidnappent le bébé, nanana, c'est déjà tout revendu. Fait que eux autres, ils retracent ça comme à l'envers, puis tout, puis c'est... Mais dans le fond, tu viens de spoiler l'épisode au complet. Ouais, mais c'est un épisode, ça me dérange même pas, gars, c'est pas grave. Mais dans le fond, ceux qui écoutent peuvent commencer à l'épisode 2. C'est dans deux semaines, anyways, qu'ils vont le voir. C'est à quel moment que Beau Derek, elle arrive? Mais Beau Derek, elle a juste... Elle est pas morte. Gars, il chiale contre les spoilers, puis il dit que c'est Beau Derek qui kidnappe tous les enfants de Rhett, là. Mais... Ça, c'est toi qui l'as dit, ça. Il a mentionné Beau Derek... Mais, je le regrette quasiment. C'est bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire de drôle par rapport à cet épisode-là? C'est qu'il attire beaucoup de hate. J'ai vu beaucoup de monde détester l'épisode. Ouais, j'ai mais vu tu peux pas parler de hacking à TV, puis le monde va faire comme ça. Ça se peut pas. En partant, tu vas offusquer plein de monde. Puis ça m'a amené à beaucoup d'affaires. Premièrement, le monde, il y a du monde qui a écrit des méga paragraphes incroyables, genre sur comment ils détestaient l'épisode que j'ai vu. Puis j'étais comme, ça t'a probablement pris plus de temps écrire ce statut-là. Que d'écouter l'épisode au complet puis d'en faire l'analyse aussi profonde que t'as faite. Ouais, mais les Mathieu Bock-Côté, il n'y en a pas juste à Montréal. Il y a ça, il y en a partout, puis il y en a des plus petits, petits niveaux. Mais tout ça pour dire, c'est que tu t'attendais à quoi d'un CSI au début? C'est pas... De la merde. Ben c'est ça, moi j'ai aimé parce que je m'attendais à du CSI cliché. Y a-tu quelqu'un qui met des lunettes fumées en disant une réplique cliché? Non, y a une mais qui tu voulais que c'est une toune de The Who. Y a pas de Horatio. C'est The Who. Patricia Arquette fait sa pause Horatio dans le sens qu'elle a dit à chaque fois que je finis un case, je m'en vais en quelque part réfléchir. I guess dans he just banged that IP. Est assis droit devant la statue de Lincoln, tu sais, qui est assis puis qui réfléchit à Washington. Ouais. Puis elle est assise dans la même genre de position, mais dans les marches, puis il y a un plan qui part de sa face en fixant, en reculant. I guess I just cloned that IP. C'est exactement c'est bon, CSI Miami pour ça. Puis c'est ce que je trouvais. C'est un code book qui se fait sortir à un moment donné? Un petit peu, oui. Comme un gros livre avec les pourquoi. Purple book, nasty red, nasty shirt book. Un coding Python qui m'a intrigué, puis que j'ai trouvé cool dans un sens, c'est eux autres, ils devaient s'attendre à la critique de tout ce qui est web et hacker, puis ces affaires-là. Puis c'est normal, à cause de leur. Comment on dit ça, leur iOS, leur. En réalité, screen, il y a juste fait des banques qui a fait une critique. Pas. Non, mais il y a bien du monde qui s'attendait sûrement à ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis qu'est-ce que je trouve drôle? C'est que c'est techniquement une émission sur la branche de hacker, de CSI et de computer crimes, pis tout. Mais ce qu'ils font avec les ordis pour retrouver le monde, tu sais, comme ils checkent la caméra, ils checkent du code source, ils checkent des IP, ils voient des affaires, ils font du backtracking de cellulaire. C'est logique, c'est quelque chose que techniquement je fais et je suis capable de faire avec simplement Google ou Internet Explorer chez nous. Mais ils le font avec un visuel un peu plus hot, là. Mais c'est plus logique que CSI Miami, qui techniquement, t'as zéro hacker là-dedans, c'est des cops d'investigation de rue de Miami, puis qui font des « Oh, j'ai une caméra ici de vidéo avec une définition de marde que je vais upscaler, puis upscaler encore une fois, transférer en HD. Je vois exactement la signature sur la carte d'affaires du gars. » Puis là, t'as Horatio qui fait comme « C'est suffisamment de preuves pour nous autres, puis nanana. » C'est comme « What the fuck? Yeah! » Les gars de hacking dans CSI devraient être 100 fois plus supérieurs est-ce que ces gars-là dans un Milter? Sens. Moi, j'aime ça. Si t'aimes CSI, je vois, en général... Puis t'acceptes le cheesiness puis tout, c'est parfait. Okay. Si t'aimes pas ça, écoute-les pas, c'est sûr tu triperas pas. La seule affaire, je veux dire avec ça bien vite, c'est que ça m'a amené à faire des petites recherches niaiseuses. Sur Patricia Arquette? Non, sur... E-Bombs World? T'sais, tout le monde... Stigmata, man. C'est à cause des statuts de chiolage que j'ai fait une recherche. T'as commencé là? Ouais, non, mais tu vas voir. Le monde chialait à cause de comme, tu sais, le visuel, ça se peut pas, il y a quatre écrans superposés, puis un password qui apparaît, puis tu sais, c'est pas de même. Quand t'as un ordi, c'est pas de même, puis c'est vrai, quand t'es chez vous, puis tu regardes CSI, ça scanne dans le vide, là, genre, là, t'as fait des écrans. C'est genre des Neil deGrasse Tyson, mais du cyber. Ça s'appelle quelque chose qui s'appelle Hollywood OS, que tu peux fucking downloader, man, pour ton ordi chez vous. Puis c'est ce que j'ai lu, puis cool, Google ça. Hollywood OS. Mais ça sur RedTube, c'est comme ça zoom, dit... ça fait jouer non, de non, ça t'explique vraiment des affaires de il te faut une coupe des... Tu peux te setter 2-3 écrans, puis ça va te setter des genres de fausses maps qui search, puis tu peux y faire des affaires par toi-même, que mettons, t'écris n'importe quel password, c'est comme si tu hack, puis ça va écrire un mot écœurant dans l'ordi, puis tu peux filmer pour avoir de l'air d'un... hacker de CSI. Hollywood OS, là, je fais une recherche, ça a l'air d'être un casting couch à Hollywood. Non, c'est pas. Existe pas en tout que c'est. T'as encore sur RedTube, toi? Je vais t'envoyer. C'est vraiment comme un casting, là. Je vais t'envoyer le vrai lien. Mais en tout cas, Hollywood OS, tu peux le trouver, puis c'est juste drôle. Si t'es un malade de film de hacking, là, ça peut juste être drôle. Ben écoute, moi je vais faire un segue avec l'actualité de Milter. Moi, mon actualité cette semaine, c'est que ils ont sorti une certaine caméra de FaceTime un peu intéressante cette semaine. Est-ce que c'est celle que tu peux tirer du monde dans la rue dans un jeu c'est vidéo? C'est celle là? Que mesdames vont utiliser. Ah, ok, continue. Je sais exactement quelle caméra tu parles. Hein. Ok, j'étais comme calice. Il y a quelqu'un qui l'a vu. J'attendais que tu le dises. Là. C'est okay. La selfie cam. Il y a une selfie cam pour les dames qui est sortie. Ce qui vient avec le selfie stick? Non. Le selfie stick, le mot est stick. T'es pas obligé d'avoir un selfie stick rendu là. C'est ce genre de selfie stick. C'est un genre de selfie stick. Non, c'était pas mon actualité, calice. Ah, c'est quand même pas pire, ça. Non. Dans le fond, c'est pour prendre des selfies d'intérieur de vagin. Ah, vas-tu par-dessus le flat? Tu peux-tu mettre ta caméra? C'est ça que tu voulais dire sans le dire. Live là, je vais le faire pour vrai, par exemple. Je le coupe au montage. OK, Milton, CSI, c'était quoi? Cybercrime? CSI Cyber, tu cool. CSI Cyber. Moi, je l'écouterais. Puis je vais l'écouter encore. CSI ASL sur FNET. Les jeunes loups anglais. AOL CSI. Ouais. Les jeunes loups anglais. Oh, c'est de même que le team s'appelle. The Young Wolves, justement. Hey, c'est coïncidence. Va hein? Chier. Non, c'est pas le cas. Yeah. OK, qui enchaîne avec ça? Là? Ben moi, je vais y aller vite fait. J'ai pas grand-chose à dire. De toute façon, là, on dirait qu'on aboutit à la fin du show déjà. Puis je suis tout confus. Dans le fond... Ou sous. Les deux. Ça, non. Il y a GDC qui est sorti ces temps-ci, puis j'aimerais le taguer un petit peu. Je pense que j'ai vu en ligne. Game Developer Conference. C'est ça. Genre le E3, mais plus technique, si on peut le mettre comme ça. Regarde le nombre de cheveux sur ce sprite-là. Mais, oh mon dieu, Jizz. Mis à part les excellents vidéos des nouveaux engins de Unity, Unreal, puis Crytek, que regardez ça, GDC 2015, faites des recherches. Si vous écoutez le show, ça se peut que ça fait déjà 3 semaines, vous les avez vus. Mais il y a vraiment des excellents démos de engins. Ils ont annoncé plein de choses, comme tu as eu juste avant le Unreal, maintenant que tu peux faire des jeux dessus. Tu peux faire des appartements en France aussi, dans Unreal Engine. Super facilement. Je pense que seulement si cet appartement-là commence à te faire des milliers de dollars par mois, la compagnie Epic va te prendre 5% des revenus. Gratuit, oui. En guillemets. Mais 5%, je trouve que c'est un bon cote. Ils prenaient déjà les 5% avant, alors que l'engin était payant. Bon, ouais, mais fait qu'ils ont juste coupé une chose, mais c'est le choix logique. Là. Ils ont... En fait, en le faisant payant au début, avec le 5% inclus, ils ont quasiment créé leur marché. Puis là, en le faisant gratuit, ça s'explose. Mais ça va être pratique pour les gens qui veulent commencer dans l'industrie parce qu'on sent que t'as pas vraiment besoin d'avoir de connaissances de programmation. C'est ça. Oui, je connais des amis. Moi, Monsieur Jeff Roar, que je fais un shout-out à, mais lui, il a repassé sur un type de jeu, ça fait 4 ans, où il a recommencé à jouer des jeux, il s'est rappelé qu'il aimait ça. Puis du début qu'il a commencé à faire ça à aujourd'hui, il y a déjà des concepts de jeux qu'il est en train de faire lui-même avec justement Unity puis Unreal. Mais ils ont fait bien des annonces comme ça, mais une chose aussi qu'il faut que je dise, je te pose ça du début, ils ont dubé maintenant le GDC, pas mal le VR Show 2015. Puis je parle pas de VUS ou rien de même, je parle vraiment du virtual reality c'est tout un autre niveau, c'est plus Oculus Rift. Il y a vraiment Steam qui ont sorti leur machine, incluant Steam, ils ont eu le HTC qui était avec Steam à le faire avec les multicams. Puis c'est pas mal ça. Vous l'avez-tu vu un peu les VR un peu? J'ai vu une couple d'affaires dessus, mais... Moi, j'ai vu les manettes bizarres que ça ressemblait à des genres de joystick d'avion avec un écran weird. Puis là, t'avais une pièce qui avait plein de QR codes collés sur un mur, puis le monde était comme, ta caméra peut savoir où tu te tiens. Ben, le kit d'HTC, j'ai remarqué, c'est plein de sensors, fait que c'est capable de déterminer où ce que t'es dans l'espace de ta chambre. Mais ça, c'est cool. Si tu bouges en avant ou en arrière, ça va le savoir. Mais ce qui me faisait capoter, c'est ça, c'est Steam, comme, là, mais... moi, je vais pas coller des QR codes sur mon mur. Fuck off. Pourquoi pas? Ça devient... Pourquoi pas? Parce que je reçois du monde des fois à la maison. Ben ouais, mais... Mais faut que tu dédies une salle... Ben à des affalants, c'est hey, ça que j'allais dire. Une salle de podcast, ouais, une ouais. salle pour The Fappening, mon lit, ma chambre. Une salle pour The Fappening. J'ai jamais dit ça. Donc. Mais GDC, il y a bien des choses vraiment cool. Il y a le VR gauche et droite. Là. Si vous suivez ça, GDC en ce moment, il y a plein de side shows. Ils ont annoncé Rock Band 4. Que moi, sérieux, ça c'est même pas, je pense, GDC. Je pense que ça c'est PAX. Fait que t'as PAX en plus qui se passe en ce moment. T'as GDC qui commence en fait. C'est ça, t'as PAX qui commence, puis t'as GDC qui finit. C'est une christie de bonne semaine en ce moment si t'aimes les jeux vidéo, pour la techno de jeux vidéo. Même si tu l'écoutes peut-être en 2017 dans un métro. Mais c'est ça. Mais tout est archivé anyway. C'est que si quelqu'un c'est qui est bon, là. Jeu indie, ben, il peut faire des recherches, puis il va trouver ce qu'il faut. Là. Ouais. Ouais, t'as le nouveau jeu de Tribute aussi qui s'est fait annoncer. Là. Curses and Chaos. Ouais. Qu'on a eu la chance d'essayer justement quand on est allé faire le show avec 3 bières. Chris, c'est vrai. Hey, ouais. Ça fait longtemps là-dessus. Ouais, puis. C'était un exclusif ça? C'était un vrai exclusif ça, ouais. J'étais bien trop pacté. C'est un real deal exclusif. Il y a des photos de celle-là. Wow. T'avais pas juste bu 3 bières à celle-là. Non, on a bu bien des bières. Je peux dire que 3 bières, on a bu une coupe. Mais j'aurais resté un autre 3 heures à jouer ce jeu-là, sérieux. C'est Ils nous ont monté le story trailer. C'est cool. Vraiment dans la corde de Tribute. Michael LaRouche qui est rendu maintenant chez Tribute. On peut le dire ça, ouais, parce que je sais pas si ça sort dans 2 semaines, puis il a déjà annoncé sur Twitter. Je vais dire qu'on l'a dit. Moi, je l'avais collé. T'es pas ton premier spoiler avec Michael de toute façon. Ah ouais, Mike, si je spoil toute plein d'affaires avec lui. C'est spoiler cast de Michael LaRouche. Mais c'est ça. Puis Ollie Ollie. Je sais pas si vous connaissez Ollie Ollie. J'ai essayé Ollie Ollie 2. C'était gratuit sur PSN Plus aujourd'hui. C'était gratuit, hein? Ouais. Pas mal mieux que Rayman gratuit. Rayman, c'est très bon. Mais le stock que j'ai eu pour PlayStation, c'est quand même assez cool. Cela dit, par contre, BioShock, on va dire que j'ai juste joué une version genre légitime au PC. Je suis bien content de l'avoir gratuit. T'as-tu fini ta Xbox. Calice d'actualité, là? Ollie Ollie, André, joue-le, c'est très dur. Merci. Tu l'as ton leaderboard, je vais te mettre, on va voir si tu peux me fourrer à voler. Oh, fourrer à voler. Fourrer à voler. Guillaume? Parlant de fourrer à voler, moi, je fais pas bien ça, souvent. Non, par contre, pas en tête? Je fous pas à voler, moi. Non. Je fais d'autres choses, par contre. Ouh, c'était sensuel, ça, quasiment. Oh, on en reparlera dans un autre... C'est se frottant les mains d'une manière... Ouais. On en reparlera dans un autre épisode. Moi, je mindfuck. J'ai essayé de faire ça short and sweet. Étant donné que je suis le petit nouveau, je n'ai moins à parler sûrement. T'as-tu fait un pet? Bon, oui, André. Avec ma bouche. Bon. Donc, ce que je disais. On coupe au montage. Oh! Ça y est, c'est dit. C'est la deuxième fois que tu l'as dit. Bonne chance. Hey, tu t'amuses, Guillaume, hein? Excuse. Guillaume, bienvenue au collectif. Ça fait plaisir. Donc, actualité. Je sais pas de grand chose. Moi, j'aime ça consommer la culture geek au ralenti un peu. Donc, ce que j'ai fait récemment, j'ai joué à Marvel Heroes. Ça, je pourrais vous faire avaler par contre. Sauf que tu joues jamais contre quelqu'un, tu joues contre un AI tout le temps. Anyway, c'est que je peux pas avaler à grand monde. J'ai découvert le fanfiction film sur YouTube de Dragon Ball Z Light of Hope. Avec en fait l'histoire de Trunks puis Gohan. J'avais jamais vu ça, je vois ça aujourd'hui. Vraiment fucking bien fait. Dure combien de temps? C'est un épisode qui passe sur Machinima, ça dure comme 10 minutes. Ah, ok. Puis c'est fucking mieux fait que le vrai film de Dragon Ball Z qui a passé à Hollywood. Le nouveau que Frieza est rendu en or? Là? Non, ça c'est le cartoon. Non, moi je parle d'un live action fait en Rise CGI. Of F. Ouais, non, il est pas or. Il est rose. Il ressemble à une statuette des Oscars. Il est bleu et noir. Il est comme vert. Non, donc les Color Gate, ça c'était, on n'en parlera pas, ça a été un peu un épisode noir de l'internet. Oh, oui, hein. Oh. Sinon, actualité perso, on en a parlé un petit peu dans le live tantôt, en pré-match. Tantôt, à venir. T'es en train de prédire le futur? Non, peut-être, faudrait le savoir, mais il y a mon petit projet ça se peut-tu personnel, que t'en parles, mon shameless plug, Carnegie Geek. Que j'ai continué un petit peu un petit article sur la librairie Omnibus, qui est une très belle librairie avec beaucoup, beaucoup de beaux stocks, qui coûte un petit peu cher, mais c'est ça qui est leur spécialité. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, Dragonator Inquisition, que je joue une couple d'heures par semaine. Puis, ben, c'est ma fête en fin de semaine. Donc, la prochaine fois que vous me verrez, vous me souhaiterez bonne fête, parce que c'est dans deux semaines. T'as approché de ton 30 ans? Non, je suis gris, je vais avoir 35 ans. Ah, t'es plus jeune que moi. Fait que c'est pas mal ça qui est ma ronde d'actualité. Je pense qu'il en reste juste un à jaser, là. Ouais. Parlant de fête, 32 ans. Ce fut la tienne. Ce fut la mienne. Mémorable. Ouais. Ce que j'ai découvert à 32 ans, maintenant j'ai le droit de faire du bruit quand je me lève. Tu sais, c'est comme si c'est un effort de me lever de ma chaise. Le pet qui sort sans que tu le vois. Non, je peux juste faire comme... À 33, tu peux le faire en tasse voyance. Le bruit du bruit quand tu t'étires. Oui. C'était écœurant. Quand tu brosses la barbe. Non, ça a toujours fait du bruit. Parce que moi, quand je vais avoir 45-50 ans, quand ma barbe va finalement pouvoir pousser, André, je veux la brosser en allant... Gros chose que je rêve. C'est toi qui vas faire... ou c'est ta barbe? Non, c'est les deux. OK. Ben, non, mais honnêtement, regarde, 32 ans... Chris, c'est pas mal ça. C'est fucking fad. C'était ma fête. T'es célébré où? La crise de la trentaine qui rentre à 32. Si t'es jamais allé au Nacho Libre, vas-y pas pendant la nuit blanche de Montréal parce qu'il n'y a pas un esticha. Mais... Non, mais dis-tu quoi? C'est un avantage quasiment au Nacho Libre. Non, ça. C'était pas un avantage. C'était le fun. Je pense qu'il y avait du bon monde. Ouais, il y avait du bon monde puis c'était cool. Mais très honnêtement, 32 ans... Est-ce que les consoles fonctionnent toujours? Oui. Tout fonctionne. C'est marrant. Ils ont comme réaménagé le sofa de la console en plus. C'est un de mes Christy de bar préférés à Montréal. J'adore ce bar. T'as le Funzo puis t'as le Nacho. J'ai tout le temps du fun quand je vais là-bas. C'est mais, une bonne place pour aller parler contre les féministes. Totalement. Oui. Absolument. Commence pas, Mister. Mais... Hey, Nacho Gate, c'est comme le Gamer Gate, c'est fini, mais des bars. C'est fini. C'est comme Sarkisian, fuck off. Là. 2014. Mais regarde, ce qui se passe ces temps-ci, j'ai réalisé que je travaillais beaucoup sur l'expansion du collectif. On a un site web qui s'en vient, que Guillaume, notre nouveau webmaster, embarque dans l'équipe, fait qu'on développe un site web. On est vraiment choyé d'avoir un webmaster parmi nous. Sans joke, en avril... André, t'as toujours bien fait par contre, mais c'est sûr que... Ah, j'ai bien fait, gars. C'était un thème WordPress bullshit que j'éditais tout croche. Le Guillaume, il fait des affaires bien plus hautes que moi. Mais il y a une raison pourquoi l'équipe prend de l'expansion. C'est que ça fait 2 ans, on fait un peu de statu quo, toute l'équipe. Vous allez voir, il y a des changements qui vont arriver au collectif. On est prêt à passer. Moi, j'appelle ça la phase 2. Puis là, je fais des guillemets pour les gens qui écoutent en ligne. Mais on va changer un peu la dynamique. À ne pas confondre avec saison 2. Il n'y a pas de saison 2. Non, fuck la saison 2. C'est l'épisode... saison 1, épisode 57. Dans le cul-calice, on continue. Le first ever épisode 57. Le first non, ever. Plus. Mais là, je viens tellement de rip-off un podcast américain que je l'assume, par contre. Mais c'est correct. Regarde, écoute, du rip-off, on en fait tout le temps. Mais l'important, je pense, c'est qu'on entend la phase 2 du collectif... Ça fait 2 ans et quelques mois qu'on fait ça, 57 épisodes. On était dû pour du sang nouveau un peu. Nick et Mel nous ont quittés. On était les trois à tenir ça. Leurs esprits sont toujours parmi nous, par contre. Leurs esprits sont toujours parmi nous. La demande des fans de voir Mel aussi est toujours parmi nous. C'est ça le collectif en plus, là, c'est que personne quitte. C'est jamais un au revoir. Exactement. À la limite, t'écoutes le bac catalogue, puis ils sont là. C'est ça qui est intemporel. Pour certaines personnes, peut-être que Mel est tout nouvelle, là, présentement. Certainement. Puis peut-être que pour certaines personnes, Robin Williams est encore vivant. Exactement. Puis peut-être faut-il lire la biographie de Milter en 2046, justement, qui explique qu'est-ce qui est arrivé. J'explique tout ça. C'est intemporel, te dit le podcast, André. Calé, j'ai mal au cœur. Trop de time traveling dans cet épisode-là. Mais en gros, au mois d'avril, vous allez voir des changements au collectif. Vous allez avoir une nouvelle plateforme. Vous allez voir des nouveaux gens qui vont interagir avec nous. On a accueilli Guillaume dans l'équipe qui est avec nous ce soir. On a Alex aussi qui n'est pas avec nous. Alex se joint à titre de... Je fais le cheap, mais gars, c'est ça. Stagiaire qui va s'occuper du chat, des caméras, des trucs comme ça. La mangeuse de burrito. Alex, il m'a mis à côté de Louis Paulette Lafontaine et Baldwin sur la statue au Parlement. Je l'adore. Alex, c'est un peu notre générateur de LOL. Eric, tu vas te sentir moins seul. C'est notre deuxième anglophone dans l'équipe. Fait que là, t'es content. Alex est content. Il est chanceux que je suis pas gay. Parce que je sauterais dessus. Tu viens de le faire sortir du placard live tout de suite avant même que... D'autres, tu l'as spoilé, man. Il n'y a même pas eu le chance. Il gardait ça pour l'épisode 62. C'est pas parce qu'il y a un compte Grindr qu'il fallait que tu spoiles tout de suite, OK? Mais sans joke, l'équipe s'agrandit, puis j'ai comme un petit moment où... J'ai-tu un Kleenex? Non, c'est correct. Il l'a fait dans sa main, t'es correct. Ouais, je l'ai fait dans ma main, c'était correct. Je vais le laver tantôt puis le relâcher dans la nature. Mais l'équipe prend de la grandeur. On agrandit la famille. Puis c'est un moment qui est cool pour moi parce que... Pour nous? Ben pour nous capote, en tant que ouais, mais c'est son actualité. Non, mais c'est mon actualité, c'est pour ça. Ah, mais je suis content, Chris, d'être rendu là. Je suis content d'avoir du nouveau monde dans l'équipe. Je suis content de prendre la grandeur. Je redeviens Lavallois. On peut pas être parfait, mais c'est ce qu'on on jugera pas. Il faut bien un défaut. Hashtag parking. Mais. fuck Rouen puis Ontario, même. Mais. il est pas payant. Mais non, moi, il est déneigé en plus, c'est-tu. Puis je paye moins cher de loyer. Mais voulant dire que vous allez voir le collectif migrer un peu dans les semaines à venir. On va changer des choses. On a eu beaucoup d'invités qui se sont joints à nous. J'espère qu'ils vont venir à Laval pareil. Parce qu'on va avoir un studio dédié maintenant. Donc, par studio, je veux dire une pièce d'un 4,5 qui va être capitonnée puis dédiée à ça. Mais... Pas capitonné comme 50 Shades of Grey, là. Juste mettre ça au clair tout de suite, là. J'attache personne avec ma cravate. Parce qu'il y en a ça, c'est l'autre salle du 4,5. Ça, c'est l'autre salle du 4,5, ça. Ouais. C'est le podcast professionnel du podcast. On rentre pas dedans. Celle-là, c'est Red... fait que... C'est quelqu'un qui a écouté ça, là. Fait que on reçoit Jay Saint-Louis tantôt, là. C'est ça, on reçoit Jay Saint-Louis tantôt. Il s'en vient, il est en route, ouais. Il s'en vient, il est en route. Il parle de Musique Plus live, là. Ouais. Bientôt. Par la magie du montage du podcast, le fait que tu sais les affaires que je fais jamais, monter un podcast là, on va avoir un épisode quand même assez cool ce soir. J'ai l'impression que j'ai déjà perdu le contrôle un peu, par exemple. Moi, je pense que c'est une des meilleures. Ça fait longtemps. On je a eu des je pense que ça fait longtemps. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, ce soir vous allez vivre un moment magique où vous nous écoutez là, ça a l'air cohérent, mais c'est-tu que vous devriez pas nous faire confiance. Ça vient structurer après les nouvelles. C'est ça, oui. Qui arrive, qui viennent d'arriver, puis on a l'invité dans pas long. Anyway, c'est bon, je vous suis. Donc, sur ce, ce Vincent que je propose, Vega. C'est... Stiffie, pas tant. Fait que, on va aller faire une pause ravitaillement, puis on va revenir après la pause. Avec Jay Saint-Louis pour parler d'un paquet d'affaires. Ouais, plein de choses. Ça va être bon en plus. Du malaise au carré. Fait que c'est ça. Donc. CSI Cyber. Écoutez hashtag ça. Laval. Dit-il en se frottant le chest. De retour Patrick après cette courte pause. Quand est-ce que je suis riche? Est-ce que t'es bon? Ça? Alors. Il est une personnalité du web importante. Puis je vous présente. On vous présente. On vous présente au Geek Collectif. Jay Saint-Louis. Oui. Woo-hoo! Merci. Jay, laisse-moi t'accueillir avec ta propre bouteille de vin. Ah! Parce qu'on est ce genre d'émission-là. En passant, j'ai pas de vision 3D. Fait que ça se peut, je verse ça à table. Non, tu t'en dis. On aimerait présenter que Jay boit du Wallaroo Trail. C'est un très bon ami qui est toujours là et efficace. C'est un grand cru 2015, si je c'est me trompe ça. Pas. Wallaroo Trail, c'est la meilleure. J'ai toujours aimé. Il y a le kangourou dessus, puis des fois, il fait des mercredis soirs durs. Passez bien. La voix. Fait que Jay, dans le fond, on a fait l'actualité. T'étais très silencieux dans l'actualité, mais c'est pas grave. Regarde, écoute. Non, c'est ça, je vous suis pas parce que vous êtes dans un autre univers que moi, je pense, un petit peu. En fait, on sait même pas dans quel univers on est. La seule chose, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de débordements. Puis pour une émission qui devrait avoir un contenu très linéaire, c'est un peu flou, notre histoire. C'est le Pulp Fiction du Geek Collectif, ce soir. C'est ça, c'est un peu déconnecté. Je vais assembler ça tout croche. On finit avec la fin, c'est pas grave. J'ai jamais eu une entrevue aussi désorganisée que ça. C'est même pas commencé, c'est ça qui est malade. Vous avez pas de line-up, vous avez pas de fiche pour on a une fiche que tu pourrais lui montrer. OK, Eric. Vous avez une fiche pour vrai? Okay. Non, pour vrai. Pas, vous avez pas les timings. J'ai pas envoyé. C'est là que j'apprends que Milter t'a pas envoyé chaud. J'ai pas envoyé. Puis là, sur ma fiche à moi, c'est marqué « Sujet Mathieu Bosbonin ». T'as pas ouvert le bon, Rick. Calice. C'est pas le bon line-up. C'est pas toi, Bonnet. C'est pas toi, Bonnet. Non. Faites-nous donc, gauche. Là. Bienvenue au Geek Collectif. Ah, on connaît pas ça. Okay. Donc, Jay, oui. Écoute, Parle-nous un peu de toi. T'es qui, Jay Saint-Louis? Tu fais quoi? Tu sors d'où? Je suis un gars du web. Honnêtement, j'ai commencé sur le web aux alentours de 2007, si je ne me trompe pas. C'était le début de YouTube. Je suis vraiment un des pionniers. À l'époque, on était trois sur le web. Il y avait moi, il y avait Gabroy, il y avait... l'autre schizophrène, là, Maxime Brown. On était trois. Je me souviens qu'on était trois. Littéralement, à faire du vrai vlogging où est-ce que on se filmait avec un trépied puis on faisait du vlog d'opinion puis d'humour puis tout ça. Fait que j'ai vraiment grandi avec le web. Je suis un gars qui est vraiment très, très, très web à base. Puis c'est pour ça que c'est un petit peu étrange de me retrouver à télé aujourd'hui. Peux-tu me dire, je fais du web, c'est quoi faire du web exactement? C'est un petit peu péjoratif pour moi, faire du web, honnêtement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de qualités qui se passent, surtout de ce qu'on sait. C'est très large, effectivement. Quand je dis faire du web, je ne veux pas dire faire du web en général ou faire de l'Internet, ce serait un terme un petit peu. Tu n'as pas une page GeoCities avec une licorne qui flash par un meter? Non, mais j'aime l'esthétique. J'adore l'esthétique. À l'époque, j'avais une page GeoCities. J'ai littéralement commencé. Je pense aux alentours de 1995, quand j'étais super jeune, puis je calais du vin rouge que j'avais piqué à mes parents, puis j'apprenais le C++ à l'époque, puis un petit peu de programmation HTML. Fait que je suis vraiment un kid du web, tu sais, puis j'étais un petit peu renfermé sur moi-même. Fait que pour moi, l'Internet, c'était vraiment comme des nouvelles portes qui s'ouvraient pour moi. Puis j'ai commencé par la suite à faire de la vidéo, puis je me suis intéressé à faire du web. Mais quand je parle de faire du web, je parle vraiment de... Il n'y a pas de terme qui existe pour représenter l'espèce de petite sous-culture web québécoise dont Milter fait beaucoup partie, tu sais ce que je veux dire? Ouais. Il y a une espèce de web, un Internet québécois très underground, qui n'a pas été encore nommé. Il n'y a pas de mot spécifique pour désigner ça. Mais on a ça, eu Joël Martel qui avait essayé. C'était quoi? C'était le Far Web? Oui, exactement. Que je trouvais qu'il était quand même approprié un peu. C'est malade que tu me sortes cette réplique-là, parce que quand j'étais en entrevue à Ça commence bien, Shelly me sortit exactement la même phrase. Je me sens un peu comme Shelly présentement. Les autres, on le dit, ça fait longtemps aussi. Là, c'est un land grab, le classique land grab que tu vois dans les films. Achievement on On court vers l'ouest. Mais non, c'est ça. Puis le Far Web québécois, ouais, c'est une bonne façon de le désigner. On a aussi le Deep Web qui est sorti sur le chat. Le Deep Web, ouais. Le Deep Web, oui. J'allais le dire, je m'ai fait dire exactement les deux cette Deep semaine, Web, là. Genre Rainbow Road un peu. Là. Fait que ça commence à ressembler à Inception. Là. Il y a des niveaux, il y a des layers. Là. C'est à quel moment qu'Edith Piaf se met à chanter? C'est pas mal, là. Au moins trois fois. On va ramener ça sur la track à ce moment-là. Donc, Jay, mettons qu'on ferait une ligne du temps, Jay Saint-Louis. Oui. Ça a commencé où? Ça a littéralement commencé quand j'étais au cégep. J'avais beaucoup bu, j'étais un peu drunk, j'étais dans un bar. Il y a un gars dont je ne me rappelle plus le nom, ça fait tellement longtemps, c'était en 2001-2002, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai fini le cégep, qui est venu me voir, puis il dit « Ah, man, j'ai entendu parler d'un gars dont je ne me rappelle plus le nom. Il s'appelle le roi Pédocle, ou une affaire comme ça. » Puis il faut que tu checkes ces trucs, c'est complètement désaxé. Puis finalement, j'ai googlé, puis je suis tombé sur le roi Enoch, puis quand j'ai vu ça... C'est vraiment ça. Tu m'entends, jeune PD? Oui, t'entends, pute nègre. Mais j'ai-tu le droit de dire ça? Ben oui, ouais, écoute, oui. On est coté explicite sur iTunes, okay, fait qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes-tu vraiment coté? On est vraiment sur iTunes. On est pire que ça d'habitude. Là. Non, comme notre PD, on peut parler de DP. Écoute, dans l'organisation que tu vois présentement, ça paraît pas, mais il y a 56 autres épisodes auparavant. OK. Avec plusieurs mentions de DP. Quelqu'un m'a parlé du roi Enoch, j'ai vu ça, puis j'ai trouvé que c'était comme tellement une espèce de dérision contemporaine du rap excessivement trash américain. Là. Je trouvais ça malade. Le gars avait comme transposé du gangster rap des États-Unis en français, puis il y avait des référents qui étaient beaucoup trop. Qui était de nature beaucoup trop élevée pour lui, là, comme il y avait comme une culture qui était trop mais il vient pas du imposante pour... c'est malade parce que c'est rendu il la connaît la culture américaine, c'est pas rendu un ami le roi Enoch, mais c'est rendu une bonne connaissance, puis je peux dire que je le connais comme... tu connais le roi Enoch personnellement. Puis ça a été toute une expérience rencontrer le roi. Ça a été quelque chose d'assez spécial. Puis, live, drôle, là, je sens qu'on a deux, trois auditeurs qui vont venir dans leur short. Ils vont faire comme, je connais le roi. J'ai rencontré le roi il y a pas longtemps. Puis c'est ça qui est malade. À l'époque, au cégep, le gars, comme je vous disais, m'a parlé du roi. Je suis tombé sur ses vidéos. J'ai trouvé ça tellement incroyable que je me suis mis à faire des vidéos. Puis mes premières vidéos qui sont plus en ligne, qui datent d'il y a quasiment 10 ans, c'est les parodies du roi Enoch. Il y a beaucoup de référents au roi. Puis c'est juste... comme très drôle de voir que ça part de lui. Puis là, dans le fond, ça part 2001-2002, Trip sur le Roi Enoch, ouais. Fait des vidéos parodies un peu. Ça évolue ensuite à... je me suis fait dire Poc-Poc, oui. Bombe, un paquet de mots qui décrivent un peu ton évolution du web. Où ça a débuté par après? T'sais, dans le fond, pour toi, tu dis, t'sais, j'ai trippé sur le Roi Enoch, j'étais drunk and place, on a fait des vidéos, maintenant je le connais personnellement. Mais il y a eu sûrement un moment tremplin un peu, où tu t'es rendu compte que, ah, ok, ça pogne cette affaire-là. Là. T'sais, c'est... À partir de mon fucking sub, je pense. Tout le monde se rappelle un petit peu, c'est une série qui est un petit peu culte, puis les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Puis je pense que d'ailleurs, mon émission télé J-News en ce moment... C'est un petit peu une expansion. Ben, c'est une expansion. Personnellement, je trouve tes projets personnels, ça a toujours un peu été des croquis, si on peut dire, de ce que J-News est devenu aujourd'hui. Totalement. Parce que tu sais, quand je sais pas, je pense que t'étais dans ton appart dans le temps, là, t'étais sur ta petite table, tu faisais tes affaires, tu mangeais une sandwich dans l'eau, toutes tes vidéos de même. C'est vraiment des versions brouillon de ce que je fais aujourd'hui. C'est ça, c'était un début, puis ça a toujours été ton style aussi. Il n'y a personne au Québec, d'après moi, qui l'a jamais, ce genre-là, si on peut dire, qui l'a aussi bien fait. Non, c'est ça, mais les gens à l'époque me comparaient beaucoup à Ray William Johnson, mais au Québec, j'étais un des premiers. Mais il n'y en a pas d'autres, tu sais, qui ont vraiment réussi ou même essayé. Le monde se lance dans le vlog d'opinion, puis ça fonctionne rarement. Il y a Antoine Daniel qui a réussi. Je peux dire ça. Qui fait demain. C'est un Québécois ou je le connais même pas? C'est un Français, c'est un Parisien. Okay. Puis lui, c'est incroyable parce qu'il a fait une série qui s'appelle What the Cut. Ah, ok, ok, ouais, je connais, mais. Je pense que je savais pas que c'était ça son nom. Mais il drop un épisode, tu sais, puis c'est quoi? C'est 1 million de views automatiquement. Là, ouais. Puis après, ça progresse jusqu'à 5 millions d'affaires comme ça. C'est des chiffres incroyables. C'est malade parce que lui, il m'a approché en 2009 puis il me dit ah, j'aime ça, mon fucking sub. Est-ce que tu permets que j'en fasse une version française? Puis j'ai dit, ben oui, tu sais. Puis il dit, oh, j'aime vraiment ce que tu fais. Puis tout ça. Puis il sortait ses What the Cut au début. Puis il n'y avait presque pas de views. Là. C'était des 20, 50 views. Puis tout ça. Puis je trouve ça malade de savoir qu'à quelque part, l'adaptation de mon fucking sub est devenue un truc qui récolte des millions de views. C'est comme le Ergun Fee de Jay Saint-Louis. In a way. T'sais. Sauf qu'il ne m'a pas payé. C'est ça la petite différence. Bienvenue dans le Far Web. On parle quand même d'un public de 66 millions de personnes en France. Versus 8 millions au Québec. Non, mais on voit cette activité-là. Mais le monde associe beaucoup la France à. T'sais, c'est comme culture, puis tu le quittes. Mais il y a un autre phénomène, c'est que t'sais, la culture du podcasting, le web, les trucs comme ça, là, Chris, c'est avancé pareil. Tu as eu des Cypriens qui ont fait un show au Grand Rex là-bas, qui ramassent un paquet de monde, ça a des millions de views, puis tu le quittes. Il y a un historique qui est là, puis ils ont pris le virage très rapidement. Versus le Québec, c'est encore émergent, c'est encore, tu sais, c'est tout nouveau. Le monde ne savait pas encore comment il arrive. Ça vient un peu en lien à la question que j'avais à Jay. Là. C'est, penses-tu qu'au Québec, on est vraiment en retard dans le web ou dans son adaptation, ou je sais pas comment dire, son utilisation pour les médias même, si on peut dire, ou... Ben pour être franc, je sais pas exactement ce qui se ferait en France de ce temps-ci. Mais même aux États-Unis, exemple. Tu sais, en général, j'ai l'impression qu'on... Je pense que... C'est sûr que je pourrais être pessimiste, puis je pourrais dire que par rapport aux États-Unis, il y a beaucoup moins de production. C'est beaucoup moins intéressant. Mais on est tellement moins, puis on sort tellement de trucs sur le web que je pense qu'on peut se féliciter de ça. Là. On est un peuple qui est extrêmement créatif. Je vais donner un exemple. Antoine Daniel, qui d'ailleurs récolte des millions de views, n'est pas encore capable de gagner sa vie avec le web. Il n'a pas encore eu d'ouverture. Même Cyprien s'est fait recevoir sur le plateau de c'était quoi l'entrevue qu'il avait eu Le genre de tout le monde en parle en France ou avec du celui qui sourit tout le temps. je connais en tout pas cas, il s'est fait recevoir sur des plateaux de télé avec une certaine condescendance. T'sais. Puis il n'y a pas encore une grosse ouverture au web en France tant que ça commence, c'est de moins en moins pire. Mais je pense que au Québec, on a toujours été à l'avant-garde par rapport à la culture web. Je trouve ça super intéressant. T'sais. C'est vraiment assez spécial de voir que mettons, moi, Pelep, puis Mathieu Saint-Onge, on a toujours donné dans le trash. On a été des personnages très politiquement incorrects qu'on s'est fait inviter, comme littéralement, à devenir des employés de Musique Plus, puis que des chaînes spécialisées qui nous ont ouvert les portes, puis qui sont vraiment ouverts à nos idées, tu sais. Il a fallu que je me batte un petit peu pour mes idées à Musique Plus, mais en général, ils ont toujours été vraiment, vraiment très ouverts avec, par rapport à ce que je fais. Là. Fait que, on peut se féliciter de ça, on a une bonne ouverture, puis c'est bien parti. Le seul truc qui me déçoit un petit peu du web québécois, c'est que la qualité n'est pas toujours là. Quand j'ai commencé en 2008, évidemment, on faisait tout de la merde, là. T'sais, on se filmait avec des webcams. Mais c'est ça, vous étiez limité aussi par les moments. Donc, les plateformes n'étaient pas existantes. Le matériel était très cher. Le temps de montage, parce que c'était pas avec des cellulaires faciles comme aujourd'hui, que le monde, il s'en fout, si on peut dire. Carrément, oui. Ils se filment, ils parlent, ils marchent en même temps. Puis, je suis vraiment déçu par rapport à la progression du web. Je veux dire, à une certaine époque, rendue en 2011-2012... Je trouve qu'on avait atteint un certain sommet où est-ce que les gens étaient en mesure de faire un produit qui était plus découpé, qui était d'une bonne qualité. Puis je me disais, ben si ça va, si le train continue comme ça, toi t'es bien parti, ben la culture web va vraiment comme take over les médias et tout ça. Puis en réalité, ça s'est pas vraiment produit comme ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens qui sont allés chercher un bassin beaucoup moins éduqué dans la population, puis qui ont pris avantage des gens en région qui aiment ça, share des vidéos de Casey Prod, où est-ce qu'on parle juste de relations, c'est juste des jokes sur les filles sont comme ça, puis qui sont comme ci, puis c'est un petit peu dommage. Les vidéos de swag fag, comme ils disent. On a nivelé par le bas, ouais. Puis c'est dommage. Crois-tu que, justement, le fait que cette tribune-là était moins accessible auparavant, justement, l'accessibilité technologique... Forçait la qualité. Ben, ça forçait la qualité parce que, voulant dire, tu sais, les gens mettaient l'effort. Donc, maintenant, tout le monde... Parce que, veux pas, tout le monde recherche le fame, justement, mm-hmm. Le moment de gloire, le 6 secondes de Vine qui va te le propulser au sommet ou les choses comme ça. Crois-tu, justement, que l'accessibilité à cette technologie-là et ces choses-là a rendu le fait que Georges Thibodeau, plombier de Sainte-Agathe-des-Monts, a décidé de se partir une chaîne YouTube humoristique. J'ai rien contre Sainte-Agathe, là, puis les plombiers, je vous adore. Là. Vous êtes crucial à la société, on s'entend. Bon, mais moi, est-ce que plombier, là. En tout cas. Mais est-ce qu'on s'entend le fait que ça soit super accessible aussi? Le monde, c'est moins recherché un peu. Et les gens vont juste faire comme, hey, regarde, écoute, m'en faire un Vine drôle, là, puis m'en avoir 100 millions de followers, puis that's it. Ben, c'est parce que c'est une question de demande aussi. Il faut se demander au Québec. Je pense qu'au Québec, ce qui est important de comprendre, c'est que le web... Puis la demande par rapport au web reflète qui on est. S'il y a une personne comme Mathieu Bonin qui est très, très, très en demande, s'il y a une personne qui comme Phil Jones qui est très, très, très en demande, ça en dit long sur qui on est. Fait que c'est sûr que... Les gens se reconnaissent là-dedans, dans le fond. Totalement. C'est pour ça, c'est ça. Là. Totalement. Puis de la façon qu'ils se reconnaissent, puis où est la demande, je pense que généralement, ça décrit qui on est, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui font du contenu de très bonne qualité, qui est un petit peu plus intellectuel, qui est un peu plus recherché, puis on voit que la demande n'est pas là. T'sais, je sais pas d'insulter les Québécois à soir, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est même en général, surtout dans le fond. Là. Bonin, le dernier épisode, ou il y a deux épisodes, il a dit quelque chose de similaire. Il a dit, quand je fais des vidéos, que je dis de quoi de bien dit, avec une opinion exprimée, puis que j'essaie d'être sérieux, oui, ça pogne pas. Mais quand que je monte un crash d'hélicoptère en criant « sus ma marde » à la fin, tout le monde veut fou, il share, il like, il capote, j'ai 200 000 views. Fait que faut comprendre que c'est une nivellation par le bas qui est provoquée par la demande. C'est ça. On est tous esclaves du clic en quelque sorte. Puis ça, je l'ai appris. C'est exactement dans un sens qu'il disait. C'est ça qui est dommage. C'est sûr que quand j'embarque sur le plateau de J-News, je vais pas commencer à faire des gags sur Jean-Paul Sartre puis l'existentialisme. Je vois un petit peu inconsciemment ou consciemment nivelé par là-bas. Puis c'est ça qui est un petit peu dommage. On est esclaves de cette demande-là. Fait que ça m'insulte quand je reçois des messages privés puis je dis, puis je me fais dire par des gens, ah, ton contenu c'est de la merde, c'est vulgaire, c'est facile, puis c'est trash. Ben, si je me mets à faire l'émission que je voudrais vraiment faire demain matin, personne ne va l'écouter. Ben, un peu en lien à ça, tu sais, justement, il y a eu un peu de controverse. Puis écoute, sans toi à l'aise de me dire, je peux pas répondre. Non, vas-y. Mais t'as eu des gens, tu sais, mettons, on parle d'un incident, monsieur, tu sais, Denis Talbot, qui cancelle monsieur Net, mais il garde Kim Kardashian et c'est whatever. Mais tu sais, j'ai vu beaucoup de gens sur Internet faire comme, Chris, voyons donc, vous coupez une émission avec du contenu original, les affaires de même, mais Kim Kardashian reste. Mais à la fin de la journée, les codes d'écoute sont là pour Meet the Kardashians. La demande est où? La demande ben, c'est est ça. Est-ce que la demande est pour les vidéos que moi je fais ou les vidéos que Phil Jones fait, qui a 8 fois mon nombre d'abonnés? Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que la demande est pour Denis Talbot, qui fait du contenu de qualité avec une rigueur extrême, ou est-ce que la demande est pour The Kardashian, qui coûte pratiquement rien parce que c'est une acquisition pour Musique Plus, qui leur coûte vraiment pas cher, puis qui amène 8 fois les cotes d'écoute? Il y a une statue sur McGill qui représente justement ça. Si vous allez à Montréal... sur la rue McGill, je pense. Une statue des Kardashians? Non, t'as une statue... t'as une statue d'une... ça s'appelle la foule illuminée ou the illuminated crowd. Si tu vas sur la rue McGill, dans le temps, tu montes Sainte-Catherine, tu montes McGill de Sainte-Catherine, tu la vois, je pense que t'as même une building de la Banque Laurentienne, mais c'est une foule que le début de la foule, c'est du monde qui sont éblouis par une activité ou un feu ou une catastrophe. Puis à chaque pilier en arrière, tu vois comme le monde excité puis qu'ils ils capotent sur qu'est-ce qu'ils voient, puis le monde qui pourrisse en arrière. c'est dark. Ouais, mais pas qu'ils pourrissent, mais tu sais que tes voix sont plus dans la peur, dans comme tout le monde y voit l'explosion, c'est comme oh waouh, c'est beau l'explosion, puis le monde en arrière, ils ont peur de l'explosion. C'est une critique du sensationnalisme. C'est exactement ça. Mais là moi j'ai une question pour toi. Écoute, on a beaucoup d'engouement ces temps-ci, le web, le far web. On voit voir qui ouvre trouble.voir.com, qui décide de prendre un axe un peu deep web, far web. Mm-hmm. On a un paquet de gens qui veulent leur part d'Internet. Puis toi, Jay Saint-Louis, t'es à Musique Plus sur la télé conventionnelle. Oui. T'es là, il y a des tendances, on entend parler de cord shaving, cord cutting, un paquet de trucs, des beaux anglicismes ce matin, cet après-midi ou peu importe. Ça dépend quand vous l'écoutez. Ça dépend, c'est un podcast intemporel. Mais donc, toi, tu... tel un saumon, tu navigues contre courant, tu fais comme fuck it, moi je m'en vais à TV. Oui, non, effectivement, mais mon but ça a toujours été d'aller à télé, puis d'être un petit peu le représentant du far web québécois. Puis ultimement, mon fantasme ultime, c'est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs acteurs du web québécois qui se retrouvent à télé, tu sais. Ce fantasme-là a été partiellement atteint quand il y a eu Pelop et Mathieu Saint-Onge qui sont rentrés à Buzz, ça a été super intéressant. Il y a aussi eu le show de Mike Ward, qui malheureusement vraiment pas été une réussite. Puis c'est ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça devait coûter un peu plus cher UDA style, dans un sens, juste à cause du nombre de gens qui sont sur le show tous les jours. Probablement. Tous les jours. C'est sûr que je suis pas connecté avec les chefs. Je peux pas dire, mais j'assume que oui, c'est un show qui coûtait cher. Puis, avec le nombre de monde. Avec le nombre de personnes, mais c'était une belle vitrine qui nous a été offerte à nous, les gens du Deep Web. Puis c'est sûr que là, en ce moment, Music Plus a été acheté par V, puis par la suite des choses, on est en restructuration. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de show web, mais j'ai tout le temps voulu ouvrir la porte aux gens qui viennent d'Internet. Je veux dire que quand je ne vais plus être là, puis que je ne vais plus être sur le web, ça va arriver un jour, j'espère qu'il va y avoir tout plein d'autres personnes qui vont être réussies à. Qui vont avoir réussi à rentrer. Puis je pense que je le fais très bien parce que Jane News, je suis content, les codes d'écoute sont excellentes pour un show qui coûte pas grand chose à produire. Je fais le show moi-même tout seul. Mon gars de 4 ans et demi, il trippe. Pour vrai? Oui, non, c'est ça. Mais c'est ça. Assez souvent. J'ai vu une photo de. T'avais posté une photo à un moment donné de ton kid de 4 ans qui écoutait Jane News. Ouais. C'est pas trop intense pour ça. Lui. Il est pas payé que qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Écoute, t'as manqué la vidéo de son kid qui chantait I'm in love with the coco. Fait que ouais, c'est ça. Donc, les enfants à Milter pourraient faire à eux seuls une émission complète de Jane News. Ouais, je pense. Ah, ok. T'as envoyé du footage. Tu me diras son nom, je vais le saluer en nom. Logan. Team Logan. Logan, ouais. Team Logan, ça se peut que Team Trent. Il y a Trent aussi, mais lui, il va moins comprendre. Il y a 2 ans et demi. Là, il risque de se réveiller. C'est un honneur à Trent Reznor. Trent Reznor, puis l'autre, c'est pour Wolverine. Très nice. Fait que dans le fond, toi, là, ton arrivée à Musique Plus, c'est sûr et certain, tu pars où t'es. Tu crées ton contenu, tu décides de ton contenu, tu décides de la plateforme, la publication, yes. Les trucs comme ça. Tu arrives sur la télé conventionnelle. Le premier mur que tu te souviens avoir frappé, c'est lequel? Quand je suis arrivé, il y a beaucoup de gens qui se sentaient un petit peu menacés okay. Par le fait que je suis arrivé à Musique Plus. On comprenait pas nécessairement mes idées, où je voulais en venir, puis d'où je venais. T'sais, j'étais vraiment un outsider total. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait à la télé. Puis du jour au lendemain, on me dit « Ah, finalement, on te met sur une émission avec Shelley. » Puis j'ai gardé mes réflexes web. C'est ça qui a été un petit peu difficile pour certaines personnes qui sont au niveau de la production ou whatever. je veux dire, on me donne un line-up puis on me dit tu vas présenter tel clip de One Direction. Puis, ça, puis moi, mon premier réflexe, ouais, je dis ben, ils sont pas bons. C'est un mauvais groupe. Puis tout ça, puis j'ai toujours dit j'ai tant été très baveux, j'ai gardé l'aspect web, mais je l'ai juste transposé à télé. Fait qu'au début, c'est sûr que oui, ça s'est causé des frictions. Totalement. Ça, c'est, il y a eu une couple de fois où je me suis fait rentrer dans le bureau. As-tu eu des malaises palpables en ondes ou. Pas tant. Je pense que Shelly a peut-être un petit peu rushé parce que c'est sûr qu'on m'a mis sur Top Music, puis j'ai jamais voulu être VJ. Je suis pas un gars de musique tant que ça, tu sais. Puis je veux dire, je pense que Shelly se retrouve du jour au lendemain avec un gars qui connaît rien à musique, puis qui dit ouvertement qu'il se crisse de telle ou telle band en ondes. Des fois, ça fait des backlash sur Twitter, puis moi, j'ai trouvé ça drôle, tu sais. Mais ça fait du feed, là. Toi, tu dis, ça augmente mon clout, let's go, y a pas de problème. Mais c'est bon, dans un sens. Puis ça fait fonctionner les shows en question, tu sais. C'est le bon cop, bad cop de la musique. C'était un peu ça. Tu penses à ça, tu sais. Elle va au pire qu'elle aurait dit qu'elle aime moins des bands, puis que toi, non. Puis c'est ça, mais c'est sûr qu'au début, c'était weird, mais in the end, comme tu dis, il y a eu une dynamique bon cop, bad cop. C'est habitué un peu. Ça finit par. C'est devenu une de mes meilleures amies, puis elle a fini par me comprendre. Puis, mais ça a fait, je pense que ça a fait remonter un petit peu les codes d'écoute. Puis ça a fait un show qui fonctionnait. Les gens sont tannés, je pense, l'espèce de télé trop politiquement correcte avec tout le temps trop de rectitude politique. Alors que moi, je suis. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'écoute même pas la télé. Puis c'est ironique parce que je travaille à la télé. Mais en même temps, tu te laisses pas influencer par deux filles le matin ou tu sais des émissions que tu écouterais si tu avais la TV. Il faut réaliser que tu sais on habite dans un on est 7 ou 8 millions. Le chiffre revient de mon secondaire 5. On va rendre ça à 8. Wow. On est rendu à 8. Ouais. Je peux dire 8 l'instant. On te jugera pas. Mais c'est comme 7.8 millions une affaire comme ça. Doit être pas loin. On va dire 8. On est 8 millions de personnes. OK, Google. On est dans... What is the population of the province of Quebec? Oui, en passant, Eric ne vient pas de Montréal. C'est... Mais je sais pas rien, Sty. Quand tu la regardes, là. 8.1 million. Ça filme. Tabarnak, hein? Ça filme, l'écran est verrouillé présentement. C'est la seule chose. Ouais, désolé. Moi, je pensais que c'était à 6. Là. Ça montre notre âge un peu. Non, mais c'est ça. Mais notre âge, tu dois avoir 33. 36, en fait. 36, c'est pas loin. C'est ça. C'est malade que les chiffres concordent avec la progression. Mais non, mais tu sais, comme 8,1 millions de personnes, puis on s'entend qu'on est dans un bassin de population vieillissante. Là, ouais. Le sur les 8,1 millions, j'ai entendu qu'il y avait 7,1 millions de baby boomers. C'est pas loin de ça. Ça va être beau dans 10 ans, hein, ça? C'est comme... Ben oui, tu sais, c'est ça va être quoi? Tu vas checker Montréal, puis ça va être une scène de 28 Days Later. Là, t'as pas un nasty chat, puis un nasty con. L'heure de pointe. Le prochain Cocoon peut être tourné ici. Oh man. Cocoon 3. Cheers. Hey, ben ouais, vieux film. J'ai même pas vu Cocoon. C'est trop un vieux film. Je suis trop jeune. Écoute, y a juste moi qui t'ai turned down par la fille dans Cocoon? Ou... Et ça dépend. C'est normal. C'est l'âge. Il avait tout 68 ans. Et plus. Non, pas. Oh, tabarnak. L'extraterrestre, come on! Mais c'est quoi le cocoon? Hey, knock knock. J'étais un cocon avec un extraterrestre qui fait rajeunir. Genre, Steve Guttenberg. That's Hollywood. C'est quoi l'eau? Comment t'appelles ça l'eau? La fontaine de jouvence, là? Ouais, ben c'est. Mais extraterrestre. Ok, check ça. Mettons, là, regarde, ok, la version 2015 de Cocoon, là. Il y a un alien qui arrive, puis tous les petits yeux dansent Gangnam Style. C'est le dude qui joue Star-Lord dans Guardians of the Galaxy. C'est comme un alien qui descend sur Terre, puis tout le monde rajeunit. Quand il approche. Non, mais il reste vieux, il retrouve leur jeunesse intérieure. C'est ça, ils deviennent plus jeunes, c'est peut-être des vieux qui avaient perdu leur. Mais leur peau, comme. Ils sont vieux. Ils sont vieux, ils deviennent jeunes, leur cerveau. C'est ça, ils ont de l'énergie pour être jeunes encore, juste pour éventuellement spoiler alert pas le physique se faire rapporter spoiler alert c'était comme 37 ans c'est ça de la marde mais une version vraiment fuckée ils se font apporter extraterrestres comme des spécimens humains qui une version vraiment fuckée de Cocoon là. Wes Anderson qui fait Cocoon c'est quoi ça serait donc Cocoon 3 Wes Anderson ça. Steven Spielberg qui l'approuve en plus je sais pas si vous avez vu sur le web il y a une version d'X-Men faite par Wes Anderson un trailer de 4 minutes qui vient de sortir ça fait 2 jours même pas je pense ouais ça vient juste c'est symétrique. C'est très symétrique. Mais c'est marrant, tu me dis ça. Il y a une couple de shots que j'ai vu, puis je commence à se passer symétrique pour Wes Anderson. Comme trop de symétrie. Il a botché. Jay, moi j'ai une question pour toi. Quand tu prends la télé conventionnelle et tu prends le web, avantages, désavantages? Selon toi, c'est cliché comme question, mais on va passer cliché, puis ensuite on va dérailler un peu. Puis ben Chili ne peut pas être aucun des deux. Avantage, désavantage, avantage. Ben gars, je suis rendu payé pour ce que je fais. C'est ça la petite. Fait que dans le fond, ton loyer, une stabilité aussi de revenus, si on peut dire. Parce que t'as beau vous dire, je fais des revenus, exemple avec le web. Ça varie assez. Ça varie tellement. Beaucoup, tu te fais bloquer ton compte Facebook, puis après, tu te retrouves à faire des vidéos pour dire « Mais là, aidez ma page, bosse bonnet. » Ça te coupe un mois. Mais tu connais bien ça, se faire bloquer. Oui, oui, je suis un professionnel. Mais toi, tu es un habitué du blocage de Facebook. Bannissage. Mais en réalité, dans le fond, c'est ça. Là, il y a la paye stable. Oui. Puis, mis à part ça... Ben, mis à part ça, c'est sûr qu'il y a des contraintes du genre, si j'ai pas le choix de produire mon show pour vrai. Je suis un petit peu paresseux dans la vie, fait que ça me donne un bon coup de pied dans le cul. Fait que ça évite la procrastination, dans le fond. Oui, oui, oui, oui, totalement. Puis c'est sûr qu'on se check un peu plus. Hein. Ah oui? Faut faire attention. Mon show est assez trash. Je pense que je me permets de dire pas mal tout ce que je veux. Comparé à beaucoup d'autres choses à la TV, aussi, oui. Selon la plage horaire aussi, c'est quand même assez... Oui. C'est pour 4h30 de l'après-midi en général. Oui, non, effectivement. Mais il n'y a pas beaucoup de désavantages, mis à part le fait que je me check un petit peu plus. Mais on m'a tellement donné une carte blanche. Puis c'est fucké parce que, Chris, il y en a des affaires qui ont passé à Genius qui sont vraiment intenses. Là. Puis j'ai pas eu d'avertissement encore. Bon, moi, mon gars, il a 4 ans et demi, puis je le laisse regarder parce que c'est pas pire dans un sens. Attends, moi, j'ai une régression. T'as-tu reçu des lettres encore? Il y a des lettres écrites de quelqu'un en Gaspésie qui était comme genre, pas que j'ai vu à la télé? Oui. On avait une question pas pire. Là. Tantôt, tu parlais de tes fans, là, justement, là, avant qu'on tombe en onde. Mais ça fit avec ce qu'il dit, parce que je sais. Ouais, moi, je veux la lettre écrite parce que c'est sûr, on parle des baby boomers, c'est sûr que c'était satiré, t'as reçu ce feedback-là. Personne qui a de l'air de venir de Montréal, je peux pas dire. Quelqu'un dit. Qui doit être schizophrène, qui m'envoie. Donc, Montréal égale schizophrène. Ben, souvent, ben oui. Ben. Ça doit être des bonnes parties. Avant que je vais trop loin, y a-t-il encore l'adresse à la fin pour les commentaires ou faut que le monde travaille un petit peu plus? Non, est encore okay. là. Est encore bon, là. Okay. Alors, continue. Mais je reçois comme au moins une ou deux fois par semaine des gens de package. Là. À dactylo, là? Non, c'est écrit à la main, vraiment old school. C'est des découpages de magazines, des découpages de bouts de revues porno, des lettres écrites avec des flèches puis des liens un peu partout de quelqu'un qui est vraiment deep schizophrène. Puis ça fait un an et demi. Là, c'est pas un vraiment bon troll. Fait qu'il reçoit mes colis. Je le souhaite pour toi. C'est des colis, oui, c'est ça. Écoute, si c'est un troll, c'est vraiment très bien. À la Claire Lamarche ce soir, on aimerait te présenter Éric Hébert qui est pris depuis 3 ans. mais pour vrai, puis le pire, c'est que je me sentais mal parce que j'ai vraiment une caisse pleine, là. De ok, puis t'es conserve, là. Oui, j'ai conserve, j'aime ça. Tu jettes pas ça, des plans qui salent, qui après non, ça, j'ai que... tout jeté. Oh. Non, je les ai toutes gardées, je te le... Non, mais est-ce que vous réalisez qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est schizophrène puis qui prend au moins 8 heures par semaine là, pour m'envoyer un package? Moi, je considère que c'est un trésor. L'adresse retour, c'est Louis-H? Je peux pas... Comment? C'est-tu Louis-H, l'adresse de retour, là? Le Louis-H? Louis-H. Louis-Hippolyte, ouais. Louis-Hippolyte Lafontaine. Non, c'est ça, c'est... J'ai regardé sur Google Maps, c'est l'adresse d'un barbier. Nice. Fait que là, c'est vraiment fucké. Puis il y a quelqu'un qui prend 8 heures de son temps chaque semaine pour m'envoyer un package avec des découpeurs de journaux. Puis c'est complet, là. Puis tabarnak, je me suis dit à un moment donné, je vais n'ouvrir un, ça n'a pas d'allure. Il y a quelqu'un qui prend son temps, même si je travaille beaucoup, puis j'ai pas beaucoup de temps. Là, je te donne 2 heures, là. Puis ça, 2 heures est à toi, je vais analyser un de tes packages. Il y avait des DVD, il y avait des découpeurs, il y avait des lettres. J'ai tout regardé l'ensemble, là. C'est comme un mento, mais genre inversé, où t'essayes de refaire la vie de quelqu'un d'autre. Un jour quand j'aurai plus de job, je vais consommer comme l'ensemble de l'œuvre, ça c'est sûr. Puis j'ai remarqué en consommant un package, un des 800 que j'ai reçu là, dans une caisse, qu'il y a comme un ensemble thématique. Moi j'en ai pas ni un qui parlait de pornographie, puis qui parlait de l'espace, puis qui parlait des lèvres de Shelley. Ok. Attends, il est passé. Pornographie, ensemble de l'espace, lèvres de Shelley. Lèvres de Shelley. Puis là, il y avait des DVD là-dedans. Il y avait 2-3 DVD vidéo. Il y en avait un qui c'était une copie du film Half Baked. Oh, okay, ouais. Avec Dave Chappelle. Avec Dave Chappelle, un excellent film. Oui. J'étais content, ça, comme je me reconnais beaucoup dans ce film-là. Puis... Bob Saget. Issu d'une salope à trois pattes, la main. Puis là, Half Baked en français. Attends. Puis là, il y avait un autre DVD que c'était comme des shots de moi puis Shelley qu'on anime, top musique, à Musique Plus. Puis là, comme je dis de quoi, je regarde Shelly, ça devient ralenti, fait que là, comme on, c'est comme un regard malaisant. Play après, un thug scène life. De porn qui dure genre 15 secondes de pénétration extrême, puis après ça revient à moi puis Shelly, puis je suis comme holy shit, what the fuck is that? Donc on parle de schizophrène qui a des bons talents de montage. Ouais, c'est ça. Oui, oui, non. Lui, non, il maîtrise son Windows Movie Maker, là, le gars. Il y a énormément de travail, puis ça a l'air insolite, je vous le jure, là, c'est pas un truc que j'invente. C'est j'ai, réel. Tu me donnes des idées, c'est... là. Non, mais écoute, moi, premièrement, pourquoi il n'y a pas un channel YouTube qui existe de ces vidéos-là? Pour la seule et simple raison qu'à un moment donné, je suis allé voir un de mes patrons, puis je lui ai dit, gars, il y a ce gars-là qui s'appelle X, non, je ne vais pas vous dire le nom. Il signe en plus. Il est sur le chat. Attends, c'est signé, là. Il est sur le chat, là. C'est un profil Facebook. Il est avec nous. Il est en direct ce soir. Puis c'est incroyable parce que j'avais dit à un de mes boss, moi, je vais faire une chronique. L'invité. À Top Music. Non, mais pas l'invité, mais comme à chaque semaine, analyser un de ses packages, puis en parler. Puis c'est comme. Jay, c'est drôle. C'est un épisode, là, tu sais, à toutes Jay, les c'est semaines. Drôle. C'est un show en lui-même. On peut pas te payer de la sécurité, par exemple. Fait que tu sais, c'est comme. C'est ça, mais finalement, je me suis fait dire non, on sait jamais, ça peut être un tout dangereux, puis peut-être qu'il peut venir à la musique. En passant, la Great West te protège pas si jamais il arrive de quoi. Mais ils t'ont laissé aller filmer chez Maxim Brown. Et oui, mais ils ont refusé le topo ultimement, c'est ça le problème. Okay, okay. Ou si Jim Lego, personnellement, Jim Lego, là, oui. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un des meilleurs reportages que j'ai fait, Jim Lego. Ça a été à ma job, là, ça a fait le tour du bureau. Là. Le reportage que j'avais fait sur lui? Ben, le site de Jim en lui-même, oui, le reportage. Jim en lui-même. Oui, non, c'est juste merveilleux. Là. Jim Lego, quel homme. Je retournerai pas le voir. Ça a été une expérience quelque peu agressante, là, mais tabarnak. Qui t'aimerais interviewer? Que t'as jamais interviewé, que t'as jamais rencontré? Hey, je sais pas. Il y a beaucoup de gens que je voulais interviewer, que j'ai interviewé. Je pense que mon but ultime, c'était d'interviewer le roi Enoch. Puis j'y suis. Tu l'as eu, ça, ouais. Puis tu sais, comme. Moi, je trippe sur les. Du monde comme ça qui sont deep web, qui sont underground. Peut-être Philippe Lalanne. J'aimerais c'est ça interviewer qui lui, Philippe Lalanne pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est une légende du web. Tu peux never forget Philippe Lalanne. C'est une légende du web. Mais moi, je ne le connais pas. Fait que... Éric, là-dessus, je vais me ranger vers l'Ontario. Je ne connais pas Philippe. Ouais, marque-moi. Never forget. Ça prédate YouTube, Philippe Lalanne. Ouais. Ah ouais, c'est comme Kobo, là, genre. C'est straight from Saint-Jean-sur-Richelieu. On finira l'épisode. Avec une chanson de Philippe Lalanne, je vais vous montrer ça à la pause quand Jay va devoir quitter. C'est terrible parce que le gars, je vais sûrement jamais l'interviewer parce qu'il me déteste à mort. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je t'avais envoyé de quoi sur Twitter. Encore aujourd'hui, il envoie des tweets de haine gratuits envers Jay. Puis il arrête pas, là. Puis ça, c'est-tu vraiment comme un dude à Rouen, genre, comme qui est juste jaloux? Hey, pourquoi Rouen? Ben, ok, excuse-moi, X région du Québec. Vient de Montréal. C'est vrai qu'il vient du Nouveau-Brunswick ou du Nord-Ontario. Il vient de Saint-Léonard aussi, ce gars-là. Mais quand tu parles français, ça veut pas dire qu'il vient du Québec, est-ce-tu? Mais il vient d'où? Saint-Jean-sur-le-Richelieu que Guillaume mentionne. J'ai du monde qui vient de là-bas qui me l'a. Moi, je le follow sur Twitter, personnellement, mais juste pour voir. Il m'envoie-tu encore de la merde? Ben, une fois par mois, à peu près. Mais le pire, c'est que c'est relativement divertissant. Souvent, je vais aller voir mon Twitter, puis comme, qu'est-ce qu'il écrit sur moi, tu sais. Puis c'est jamais rien qui m'atteint réellement, mais je comprends pas pourquoi il me déteste autant que ça. Parce que justement, t'as appris à aimer du ce hate-là un peu, c'est ça, je vois, ou. Mais ben parce comme, que ça te nourrit, lui, un c'est... peu. T'es-tu sais que ça te nourrit, ça, ce hate-là. Tu vois des gens qui prennent le temps de vraiment te critiquer sévèrement, comme ça. Il y a des trucs qui m'atteignent pour vrai, puis ça me fait de la peine pour vrai. Je suis quelqu'un d'assez sensible, mais c'est rare. C'est très rare parce que j'ai un bon réflexe que souvent mes amis web ont pas, c'est que ma vie privée, j'en parle pas. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire si je suis hétérosexuel, homosexuel? On a des questions. Écoute, si je peux quelqu'un qui peut dire que sur calisse. Le chat, je peux certifier que sur le chat, les gens ne s'en calissent pas. Et ils me demandent, ils me posent des questions sur mon orientation. Écoute, bring it on. Il y a une question. Je te dois une question qui est revenue à peu près 1000 fois. Oui. Question sérieuse, tu sais, quand t'es obligé de spécifier que c'est sérieux au début, quelle a été ta réaction avec le cas Gabroy suite à toutes les accusations qu'il a reçues? Le cas de Gabroy, c'est un truc qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont assumé que j'avais une grosse réaction par rapport à Gab. J'ai été proche de Gab pendant une certaine époque, mais les gens, il y a encore du monde qui assume que je suis un des meilleurs amis de Gabroy, hein, puis que je vais le voir en fin de semaine, la fin de semaine en prison, pis tout ça. Mais quand il y a eu le cas de Gabroy, c'est sûr que j'ai été très déçu, mais il faut réaliser qu'à cette époque-là, c'était juste une vague connaissance. j'ai tout le temps eu des... j'ai travaillé un petit peu avec Gabois à l'époque. Tu te rappelles, Guillaume, on faisait des streams avec lui puis tout ça. Oui, au, ben, au Zoé, chez vous. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai carrément coupé contact avec Gab. En effet, ça, je peux confirmer. Ça a duré un an, deux ans. Je pense qu'à un moment donné, j'y ai pas parlé pendant un an et demi. Parce que c'est une personne qui est vraiment exécrable. Ben c'est un peu à la fin, c'est mon point de vue, si ma mémoire est bonne. Quand à la fin, c'est mon point de vue, il y a beaucoup changé. La fin un peu de Poc-Poc. Je veux dire un truc pour les gens qui écoutent. Gab, j'étais vraiment ami avec lui au départ. Par la suite, on s'est vraiment distancé à un tel point que quand j'ai su les trucs d'accusation, c'est sûr que ça me fait de quoi. Je trouve ça un petit peu dommage, puis c'est dommage surtout pour la victime. Mais par rapport à Gab, je ressens plus grand chose. C'est vraiment quelqu'un que j'ai coupé de ma vie depuis il y a très longtemps. Puis c'est pour ça que j'en parle même pas, j'y pense pas. Je me lève le matin, je pense pas à Gab. Puis les gens me reviennent souvent comme si c'était ton meilleur ami qui était en prison. J'ai eu un petit contact avec Gab qui a duré un an ou deux au départ, quand on se connaissait sur YouTube, qu'on se connaissait, qu'on a fait des live streams ensemble, mais par la suite. C'est quand même un an ou deux de la vie de quelqu'un. Fait que, tu sais, des fois, les gens, comme à la télé, mais ils, aussi ils un s'embarquent an... là-dedans. Ouais, mais, vite de même, regarde, écoute, c'est comme le monde, ils pensent qu'on se connaît, mais en réalité, Eric. Mais c'est parce t'es calice. Pourquoi qu'on vient chez vous à chaque deux semaines? Faire une vidéo avec quelqu'un ne veut pas dire non plus passer 8 heures par jour. Ça, à... mais moi, j'ai déjà couché avec Milter, par contre. J'ai déjà 6 à la graine. Dans le même lit. Mais... non, mais c'est ça. Mais il y a des gens qui assument que j'étais extrêmement près de Gab et qu'à chaque jour, on s'appelait et que ça a tout le temps été mon meilleur ami. Mais c'est vrai, à une certaine époque, c'est vrai. Aux alentours de 2009, 2010, peut-être 2011. Mais par la suite, même s'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties avec moi puis Gab, ça n'a jamais été un de mes meilleurs contacts. Il faut que je le dise. Moi, j'ai une question. Tu l'avais vu sur un des posts ou quelque chose de même d'une des fans. C'est une de mes amies, fait que je veux la poser pour elle. C'est Marie-Jeanne Lévesque, une représentante gestionnaire de communauté. En gestionnaire de communauté, on se connaît toutes. Oui, oui, oui. On se tient ensemble. Toi, comme spécialiste des réseaux sociaux, tu les connais tous. J'aime mieux gestionnaire de communauté, sinon ça fait trop Michel Blanc. Fait que, en tout cas, experte en réseaux sociaux. Mais Marie-Jeanne, elle voulait savoir, tu fais souvent des jokes anti-potes. Oui. Et le pote... Ah, Marie-Jeanne! Oui, Marie-Jeanne. Oui, j'avoue, le nom peut porter à confusion, en plus, à cause de représentants de BlocPot et gestionnaire de communauté du BlocPot. Mais Marie-Jeanne, elle a écrit... OK, c'est parce que ça, c'est... Elle m'avait approché, je pense, elle m'a dit qu'elle était l'assistante d'un des... Ben, elle est assistante du représentant officiel du parti, mais aussi elle s'occupe de la gestion communautaire. Elle fait beaucoup d'affaires là-bas. Mais elle disait justement, tu fais beaucoup de blagues là-dessus... Ta position officielle face à ça, c'est-tu des blagues? Tu détestes mais carrément? C'est marrant parce que oui, je l'avais lu sa question, puis je trouve ça tellement étrange comme question. Mais c'était une des plus intelligentes, je trouve. Oui, que... c'est une question intelligente, mais me semble que ça va tellement de soi. J'ai toujours été pro-cannabis, pro-légalisation du cannabis. T'écoutes Genio, je parle tout le temps en faveur de l'égalisation. En fait, t'es-tu pro-oublie des choses des fois, tard le soir? Oui. Souvent, mais moi, c'est à cause de l'alcool. Je peux pas prendre je peux pas fumer de weed, ça me rend trop parano. Mais je suis très pro-légalisation du cannabis. J'ai tout le temps été en faveur de la légalisation. Puis j'ai tout le temps parlé ouvertement pour, mais sous le couvert de l'humour. C'est ce que je me dis aussi. J'ai organisé une fausse manifestation basée sur des faits complètement erronés. Puis c'était clairement une parodie de la campagne publicitaire du gouvernement Harper. Tu te rappelles, il y avait une pub télé avec cerveau en 3D qui tourne. Ça a été remplacé par lui qui kick avec le bonhomme carnaval. C'est-tu vrai? Non. Ça aurait été carrément. Je serais devenu anti-cannabis live, tu le fais. Mais non, mais j'ai tout le temps été très pro-cannabis, puis je m'en cache pas. J'ai parlé Milter en faveur aussi de la légalisation du cannabis au moins une dizaine de fois à J-News. Là. Je veux dire, dans mon bumper d'intro, dans l'animation d'introduction... T'as Snoop Dogg, des feuilles de pot, du MLG, une canne de Mountain Dew. Puis je suis tout le temps en train de dire le cannabis est une drogue terrible puis vous voulez pas mourir d'une overdose. À un moment donné, c'est tellement de la dérision que je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui me disent « Ben là, t'es-tu pour ou contre le cannabis? » Comment tu peux penser que je suis contre la légalisation du cannabis? Je suis une personne qui est très, très, très, très, très en faveur de la légalisation du cannabis puis je me suis jamais caché de ça. Fait que toi, dites non à le pote, t'as trippé en Non à le pote, puis c'est incroyable. On a fait un documentaire qui dure 1h30 qui s'appelle « Au-delà de le pote ». Puis je l'ai sur mon ordinateur. Je veux pas le sortir tout seul parce que j'aimerais ça le projeter en salle. C'est ça que j'allais dire. C'est quand que t'as une date de projection? Ça devrait être cet été aux alentours de. Je peux pas le faire avant juillet. Ça, je veux une prédiction, mais ça sonne Club Soda ou La Tulipe? Non, trop cher. Non, mais pour vrai, ça devrait être cinéma du parc. Pour vrai? Oh! Ouais, c'est qui est réputé pour le pote. Oui. Y a-tu quelqu'un qui est déjà allé à jeun au cinéma du parc? I don't think so. Cinéma tout court, dans mon cas. Un beau documentaire, puis c'est... c'est tout dans dérision, puis je veux dire... Je sortais des faits inventés qui étaient complètement ridicules. Je disais que mon frère était mort d'une overdose de cannabis. À un moment donné, ce qui est ironique dans toute cette histoire-là, c'est que généralement, les jeunes, les plus jeunes, 15, 16, 17, 18, 19 max, ont pratiquement tous compris le gag. C'est les plus vieux qui ont accroché. Puis qui ont dit... Il y a littéralement du monde à ma job qui se sont dit « T'es-tu contre le pote pour vrai? » Bro dog, comment tu peux penser ça? C'est clairement... J'essayais de tourner en dérision la démarche du gouvernement Harper à l'époque, qui faisait de la propagande médiatique qui était dégoûtante par rapport à... En achetant des jets par la bande, là? Totalement. C'est comme, le pote c'est mal, on a acheté des F-18, ben, c'est mais ça. Le pote c'est mal. Le pote c'est mal, on a acheté des F-18. Puis en tout cas, classique conservateur. Là. Ouais. Les F-18, c'est les années 80. Hey, je connais mon aviation. Mais pour moi, tous les jets, c'est des F-18. C'est-tu quoi? Si c'est pas un F-18, là, t'as 15 ans. C'est quoi, moi, je comprends pas aucune annonce anti-drogue tant qu'il y a pas deux œufs qui sont en train de frire dans une panne. Moi, tout ce que je me souviens, là, c'est, tu sais, Harold and Kumar go to White Castle au début, puis là, t'avais comme le gars, I'm so high! Mais c'est juste un gun, il se tire une balle, puis ça commence. Drug skill. Ça, je l'ai diffusé à Genius, parce que c'était un extrait classique. Donc, comme wow, je vais t'acheter sur YouTube. Guys, on va faire quelque chose. On va faire du fan service pour les gens qui sont en ligne présentement. Tout le monde en chest. Jay, premier. What? Ben, on fait fan service. Sors le VIX puis le gant de crin. C'est parti. VIX, Guillaume, qui est derrière moi. Oui. Guillaume modère le chat ce soir. Écoute, il y a des gens qui ont des questions pour toi, Jay. Vas-y, fort. Puis Guillaume va les susurrer au micro. Puis on va pouvoir y répondre. T'as un micro, Guillaume? Oui, j'en ai un micro. T'es-tu comme le gars qui se prenait avec le micro dans la foule, des fois? Mais quasiment, ouais. Je suis comme moi non plus, au début. L'animateur, je suis comme l'Éric Salveille du groupe. Tout ce qui s'appelle Éric Salveille dans le chat, on s'entend que... Éric Salveille, es-tu là? Éric Salveille, fais à parité, là, excusez, je veux juste prendre 30 secondes. Non, on le sait pas. On sait pas c'est qui, on sait pas, ça fait 57 crises d'épisodes que le gars, il se plug, puis il dit « En mode avec Salveille, ce soir, 20h ». Et on sait jamais c'est qui. Good je job, man. C'est un podcast, je pense. Ouais. Okay, donc, on a eu des questions. Je vais commencer par la plus malaisante, en fait. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chili? As-tu le droit d'en parler? Qu'est-ce qui s'est passé avec Chili? C'était la question. Je dois être intègre envers la question. Qu'est-ce qui s'est passé quelque chose avec Chili? Moi, mon cellulaire, c'est ben, il s'est rien passé. C'est une de mes meilleures amies. Je comprends pas la question. Ben, c'est ça, vous êtes devenu des meilleures amies. C'est-tu passé des rapprochements intimes? Ben, je sais qu'elle, elle va aller au Pérou comme dans Occupation Double. Quoi? De mémoire, elle est une maman. Oui, c'est une mère. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec Shelly en général? Ok. Ben, c'est peut-être une question de schizophrène en question, je ne sais pas. Non, mais ce qui s'est passé avec Shelly, c'est qu'elle allait ma V. Je sais pas si la personne sous-entend que personne n'écoute V, là. Mais ça doit être une personne qui a vu Shelly disparaître de Musique Plus puis qui assume que Shelly a plus de carrière, mais est à V, rendu plus big que moi en ce moment-là. So. Je l'ai vu à V, moi. Bon, tu l'as vu, ça commence bien. Non, je confirme, c'est dire. C'était les questions en ligne. Shelly est une merveilleuse femme. En ce moment, elle anime Ça commence bien, puis je vous recommande chaudement d'écouter l'émission. Ouais, je l'écoute. En fait, moi, ça fait des années que j'écoute la télé le matin. Mais on peut faire aussi une petite ronde de questions rafales. Ouais, ben, pas... on a commencé l'entrevue un peu à la Tout le monde en parle. Yes. Allons-y encore à la Tout le monde en parle. La question qui tue. Attends, je peux t'en plugger? C'est-tu la question ou les questions qui tuent? C'est la question qui tue. La question qui tue. Au pluriel. Donc, je te pose plein de noms. Oui. D'événements historiques. Oui. Et tu me réponds rapidement et court. Ça a été bon, bien. Gettysburg. Pas très bon, pas très bien. Ce qui se passe dans la tête. Donc. Ouais. Hiroshima. Bombe.tv. Ou Nagasaki. Bombe.tv. Jeff Lee est une personne exécrable. J'ai beaucoup de la difficulté avec sa personnalité en question, mais je respecte son entrepreneuriat. Puis. C'est ça. Ok. PocPoc.tv, version live. PocPoc.tv, le projet qui me l'a plus tenu à cœur ever, quelque chose d'extrêmement avant-gardiste que malheureusement, on n'a pas pu continuer par faute de moyens, mais mon coup de cœur, tout ce que j'ai une fait. Une belle époque web, ça, d'après moi. La poule à l'UQAM. La poule à l'UQAM, c'était plus malaisant que ça en a l'air. Attends, la poule, on parle de l'œuf ou la poule? On parle de non, la c'est une poule capsule spéciale que j'ai faite. La poule s'appelait Xavier Dolan. J'en ai pris soin pendant 3 mois. Malheureusement, par la fin, j'ai dû m'en départir. Mais j'aimais tellement cette poule. C'est juste poule-là qui avait mangé du poulet? Et oui, que c'était du cannibalisme? Bienvenue à Chaga. Je crois qu'on... Oui, je pense que j'avais fait manger du poulet. Tabarnak. Mais je m'ennuie mais cette poule-là. Pendant qu'elle mangeait du poulet, elle a gagné 3 jutras en plus. Fait que tout était correct. Ensuite, le lancement... de Poc Poc. Le lancement à un moment classique. Dans un bar mythique à Montréal. Mythique, un moment classique puis quel un moment magique. J'ai tellement aimé ce moment-là. Tout le monde que j'aimais était là. Ma famille et tout ça. Puis c'est un truc que j'oublierai jamais. Là. Excellent. Ensuite, mon fucking tube. Mon fucking tube, une série extrêmement overrated. Je sais pas si c'est devenu un gag de dire quand est-ce que mon fucking tube recommence, mais aller réécouter les épisodes, c'était pas si bon que ça, guys. La prochaine... vedette, on pourrait dire le c'est qui le next big thing? L'offspring de Jay St. Louis sur le web. Moi, je pense que c'est qui. Tu dirais qui, toi? Jean-Ca. Hein? Qui est pareil comme lui? Charles Croteau, malheureusement. Ouf, je pense que Charles Croteau. Le prince Enoch aussi, qui a un énorme talent. Attends, prince? Prince Enoch. Lui, le fils du roi Enoch. C'est le fils? C'est oui, son vrai il vient commencer un grand talent. Pour vrai, je suis sérieux. Fils légitime, oui. Je vais checker ça. Son père m'a un petit peu parlé de lui, puis j'ai vu ses vidéos aujourd'hui, puis c'est un début, là. Il commence, mais ça va être the next big thing. Charles Croteau aussi. Et la personne qui devrait absolument tout arrêter dès maintenant sur le web? Marc Charron. Pas capable. C'est qui Marc Charron, par contre? C'est le gars qui s'est supposément fait tatouer un cœur de Noémie Dufresne. Mais en tout cas, whatever qu'il fait, ça marche. Attends, vous en parlez de lui. Noémie Dufresne, là. Non, hein. C'est du jailbait seulement. Ben, c'est... Pas c'est ça, là. C'est quoi? Non, mais c'est parce que j'ai vu une vidéo. Tabarnak, je comprends rien au far web. Puis je vois une vidéo de le monde ça, share. Ça, pas. C'est pas du là, t'as juste un gars qui minouche un écran avec une photo d'une preteen. Puis je fais. Ouais, même moi, je sais que même c'est pas si du far je voudrais web, rire, ça, c'est juste malaisant. Pour ouais. être franc, j'ai pas vu les derniers non, mais c'était malaisant. C'est malaisant. C'est rien d'autre que ça. Écoute, non? Il y a du monde qui vont chercher leur like comme ils peuvent. Puis. Hey boy! Dernière question. Vas-y, fort. Que nous réserves-tu pour le futur sur la télévision? Ou dans le transmédia pour coter. Si pas coter. Hey, on a des personnes qui posent des questions de fou en question. Pour coter. Oui. Un certain Pierre Côté, si ma mémoire est bonne. Transmédia réalité. Attends, c'est-tu Pierre Côté qui a posé une question? Non, mais je sens son esprit en direct d'Haïti ou partout dans le monde. En fait, c'est un gars sur le maître qui a posé la question. Que... Donc, que nous réserve l'avenir pour Jay St. Louis? Je vais disparaître à un certain point. Puis quand je vais disparaître, je veux pas que les gens soient tristes. C'est juste pour revenir en force. Tu mais... acheter genre une île à Bay James? Ben non! il va arriver un certain point dans le temps où est-ce que je vais devoir prendre du recul puis je vais devoir disparaître pendant peut-être quelques mois. Ça va faire du bien. Hey, des mois, c'est des années d'Internet. C'est ça. Des années d'Internet, mais c'est drainant. Ça fait quasiment 10 ans que je suis sur le web, j'arrête pas puis je suis jamais sorti de ce bassin-là. Puis à un moment donné, j'ai comme plan de peut-être sortir pour quelques mois. Juste mais tu pourrais-tu quasiment dire que t'as le goût d'une vacance? Peut-être un petit peu. Ouais, je commence à avoir besoin. On a tout le goût d'une vacance du web, mais personnellement, c'est tough des fois. Là, peut-être que je vais prendre mes vacances, puis après deux semaines, je réalise que. N'ai plus besoin. C'est ça que je fais avec WoW à chaque fois que je lâche. Mais des fois, je désactive mon compte Facebook, puis chaque fois, il y a une rumeur qui part comme quoi je suis mort. Même chose dans WoW pour moi. Mais WoW existe encore. Oh oui, plus fort que jamais. Écoute, il y a une chose. Je parle autant que la population de Québec. Il y a une chose que je peux t'apprendre sur le collectif. Ne parle pas de WoW pendant qu'Éric est là, parce que ça n'arrête plus. Si tu pensais que le podcast avait déraillé, là, il y a un nouveau patch, hein? Non, c'est une joke. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Jay Guillaume? Bon, mon téléphone est planté, donc faudrait qu'on... C'est la fin des questions. C'est donc... la fin des questions par défaut. Jay, si t'avais une chose à donner comme conseil, en fait, t'as un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer le web, la télé, peu importe. Des gens qui voudraient mettre leur nom sur la map, c'est quoi ton conseil que tu leur donnes? Arrêtez de toujours rechercher le chiffre. Arrêtez toujours de vouloir faire des vidéos en conséquence d'avoir le plus d'auditeurs possible. It doesn't matter. Yep. Parce que les gens qui vont vouloir vous embaucher, les gens qui sont directeurs de programmation de télé, les gens qui sont recherchistes, qui vont s'intéresser à vous, ils s'en calissent de vos vidéos qui parlent de pourquoi tu devrais pas tomber ta blonde. Ouais. So, basez-vous sur la qualité, puis le chiffre, it doesn't matter. Je fais des statuts Facebook chaque semaine pour réduire mon nombre d'abonnés, puis faire en sorte que les gens qui sont abonnés à moi représentent une certaine niche. Si j'avais voulu avoir 100 000 followers demain matin, je l'aurais déjà. Mais je veux pas ça. Je regarde des gens qui ont 100 000 followers, puis je regarde juste les commentaires sur les statuts qu'ils postent, puis c'est terrible. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais. J'ai mes vidéos que j'ai faites dernièrement, quasiment une erreur, là. Puis. Pas une erreur, mais j'ai abusé un peu, puis j'ai des 400, 500 000 views sur certaines vidéos. Puis tous les commentaires, c'est que des personnes qui taguent leur ami. Moi, je retire certains statuts Facebook qui sont trop populaires. J'y cache. En fait, j'ai menti. J'ai une dernière question. Oh. Si tu avais à décrire ton expérience au collectif en quelques mots, et ne te censure pas, parce que parce qu'on ne censurera pas. T'as des chances que je te transforme en photo JPEG pour ton propre épisode. Non, tu peux dire confus ou... Confus, désorganisé... Mais beaucoup de cœur, beaucoup de passion, puis c'est ça qui est intéressant. Ça me rappelle un petit peu quand je faisais Poc Poc Live à l'époque. On n'avait pas de line-up, ou à la limite, comme quand un invité nous demandait le line-up, on sortait celui de Mathieu Bonin. Puis... le fuck fait, you, Rick! C'est... Non, non, ça, c'est moi, je suis bien fier de mon coup. C'est moi qui l'ai pas envoyé. Mais vous avez la flamme, vous avez la passion, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui rend l'émission intéressante. So, chapeau à vous, guys. Ben, merci beaucoup, Jay, d'être déplacé ça, mon erreur. En ce jeudi soir... pour venir au collectif. Il y a du monde qui ont écouté, je suis curieux. Il y a des gens qui écoutaient présentement, mais ce qui est intéressant avec le podcast slash la balado, on va peut-être aller jaser dans l'oreille d'un comptable un jeudi après-midi en décembre 2017, quand le gars va faire le bac catalogue. Parce ce qui est intéressant du collectif, c'est que... Je vais recevoir mon paiement UDA comme... Ouais, exactement. Ouais, oui, exactement. Oui, faites-vous-en pas... Hashtag le chèque est dans mal. Mais ouais, non, mais tu vas être tes deux points. Puis ton ce qui est intéressant du collectif, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes une balado-diffusion disponible via geekcollectif.com ou iTunes, ou sinon pour les gens sur Android, Stitcher, Stitcher ou Podcast Addict, ou whatever l'application que tu utilises. Tu peux télécharger ça n'importe quand. Il y a 57 épisodes à ce jour avec toi. Wow. Et c'est des épisodes de 2 heures. Ça, des fois, c'est structuré. Des fois, ça l'est pas pantoute. Des fois, on est sur la brostre. Des fois, on est à Comic-Con. Des fois, on est à Mathieu Bonin. Des fois, on est à Comic-Con. On a fait plusieurs. On va même à Ottawa Comic-Con, sous d'une chambre, où Nick nous dit « Je sors pas parce que j'ai enlevé mes souliers. » C'est son excuse. Les gens qui désiraient nous écouter, nous sommes Geek Collectif, une balado-diffusion québécoise, montréalaise, slash, je viens de Laval, je m'excuse, hashtag sorry. Geekcollectif.com, Geek Collectif sur Twitter, oui, sur Instagram également. Jay, les gens qui voudraient te suivre, parce que t'as bien plus de fame que nous autres, fait que drop que c'est à dropper. Pis... Mon émission Jay News qui diffuse la musique plus, 4h30, rediffusion 11h30, puis également diffusée à midi. Puis je suis sur Facebook tout le temps avec vous autres pour avoir du fun. Excellent. Eric, les gens qui voudraient se faire fourrer la volée à Hearthstone ou à HOTS? Ben, c'est officiellement changé, c'est Vincent Vega. Quoi? Travolta dans Pulp Fiction. Juste pour... T'as changé ton nom? T'as changé ton nom? C'est tout fait aujourd'hui parce que on va commencer le début du film tantôt, le début du show tantôt. Fait que fallait que je sois Vince. Vince Vega. Sorry, c'est ce que c'est. Milter, hey, je vais finir en disant quoi. Milter, oui, les gens qui voudraient te suivre. Jeux vidéo Milter 187 partout, sinon Zombie Milter sur Twitter et Milter sur Facebook. Il y a moi et puis mes sœurs, fait qu'il n'y a pas mes sœurs, ils vont capoter. C'est ça. Je m'excuse. T'as des mes sœurs. J'ai perdu le contrôle de ma propre émission. les gens qui voudraient me suivre, mon nom est André Paquette sur Facebook. Comme j'ai dit au dernier épisode, c'est pas. Vous pouvez follower, mais ma vie est fucking dull. Fait que tu sais, allez sur Facebook, faites follow. Sinon, Instagram, Uzumaki QC. Sinon, Twitter, Uzumaki QC. Je vais vous mettre des photos de mon chat qui se liche la crotch, peu importe. Mais. C'est juste ça, Chris. C'est ça. Ouais. Ou moi avec une manette puis une ça, pochette pis de sa jeu, barbe t'sais. Ou. Puis on différencie pas les deux des fois. Non, fait. Ma barbe pis la crotch de mon chat, c'est pas mal. Skype, je veux être quoté avec ça, moi. Fait que nous sommes Geek Collectif, le podcast. On se revoit dans 2 semaines. Merci, Jay, d'avoir été avec merci nous. Beaucoup. Merci beaucoup de m'inviter, c'est gentil. À bientôt. On finit ça avec du Philippe Lalanne. Oui. Oh yeah! Je sais pas c'est quoi. Moi, je vais écrire Philippe Lalanne, Never Forget Right Now. Boom!